Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et aux autres et bienvenue dans Faucon Millénial, le podcast qui pilote comme ci, comme ça, ça dépend des moments. Je suis Grushkov, Millénial Leader et je serai accompagné évidemment de tout mon équipage, tout mon escadron composé de Tuki. Bonsoir. Adrien. Matt. Oh merde, mais je vous ai pas mis. Pardon, Adrien. Bonjour. Matt, on ne t'entend pas. Comment ça, tu m'entends pas? Bah, on t'entend pas là. Mais là, tu m'entends là? Oui, là, on t'entend, mais il y a deux secondes, on t'entendait pas. Mais j'ai entendu, il y avait du lag, je sais pas. Mais bonjour. Bonjour, et tout spécialement pour parler de petits vaisseaux qui font piou-piou dans l'espace, notre ami Spaceship... Ah non, c'est vrai, j'ai oublié, c'est un lâche qui a changé son nom pour mettre The Spaceshipper à la place. Bonsoir, monsieur Peur. Bonsoir, qui dit que j'avais pas plusieurs noms en fait. Oui, c'est vrai, tu l'as gardé dans un coin sur un compte secondaire caché, Spaceship Spawn, et tu as changé ton compte principal en The Spaceshipper. Oui, c'est plus simple comme ça. comment ça va? Très bien, et vous? Ben, ça allait, mais après je me suis souvenu que tu avais changé de nom, et vraiment, je sais plus. Alors, ça, c'est parce que tu sais comment va se passer la prochaine partie de Squadron. Ouais. Et oui, aujourd'hui on est là pour parler de la sortie de Star Wars Squadrons. Alors on va parler du jeu, mais on va pas trop spoiler, surtout que y a personne ici qui a fini la le solo. Mais en même temps, c'est pas vraiment le sel du jeu. Hein. On va pas se mentir. Qu'est-ce que c'est le sel du jeu? En fait, qu'est-ce que c'est Star Wars Squadrons, hein? C'est un jeu de pilotage. Fait pour qu'on joue avec des amis principalement, hein, 5 amis, parce que c'est du 5 contre 5, soit en dogfight, soit dans les fleet battles, qui sont un peu plus épiques, un peu plus longues aussi. Enfin, je suppose que le dogfight peut être un peu plus long si tu te fais pas rouler dessus comme nous quand on y a joué. Mais voilà, ça fait ça. C'est ça. Donc on peut y jouer dedans un X-Wing, un TIE Fighter, un A-Wing, un TIE Interceptor, un Y-Wing, un TIE Bomber et évidemment deux vaisseaux emblématiques, hein, le B-Wing et le TIE Defender. Ah non, pardon, le U-Wing et le TIE Reaper. Et en fait, ils ont tous des classes en fait. Hein. C'est t'as le tank, le DPS, le healer. C'est vraiment c'est du MOBA mais dans l'espace. Qu'est-ce que vous en dites? Oui. Non, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, je suis pas d'accord. Ah ouais. Côté MOBA, enfin, ça me rappelle plus des jeux. C'est comme Team Fortress 2 ou éventuellement comme Overwatch. Quoi. On a différentes classes. Ouais, Overwatch. Ouais. Qui ont des synergies et on est plus proche de ça, je pense, que vraiment d'un MOBA. Mmh. J'en sais rien, j'ai jamais joué à un MOBA. Moi, je sors des mots, c'est pour ça. Moi, j'ai des arguments qui peuvent qui penchent en faveur du MOBA, dans le sens où tu as quand même des vagues de creep, donc des ennemis contrôlés par des bots qui sont pas très forts, qu'on peut allumer facilement, qui sont des cibles faciles, mais qui n'apportent pas grand-chose en termes de bonus. Il y a aussi plusieurs on va dire lanes, donc dans le sens où dans un des modes dont on va parler peut-être le plus, il faut attaquer des objectifs, il y en a un de chaque côté, donc ça fait quand même une séparation un peu comme les MOBA. Donc je pense que vraiment, ouais, je pense qu'on peut dire que quand même ça reste un MOBA mélangé à, comme tu dis, du Team Fortress ou des choses comme ça. Je vois ce que tu veux dire. Mais voilà, autrement, le jeu se veut un peu comme un héritier en fait des jeux de pilotage d'avant, un peu comme les X-Wing Alliance et les TIE Fighter dont vous aviez parlé la dernière fois quand on n'était pas là, avec tiens, comme par hasard, Monsieur Spaceshipper qui était là pour nous raconter tous ces trucs là. Et alors, est-ce que leur pari de ressembler à ces jeux-là, mais peut-être en mieux, en plus moderne, est-ce que c'est réussi ? Quel est votre avis, monsieur le vieux ? Cher jeune, je pense que ce jeu, oui, le pari est réussi. Après, c'est quand même très différent. Ils sont à mi-chemin entre un... c'est un peu comme ce que vous venez de dire, entre un MOBA et un jeu à la Overwatch. Et là, c'est un peu entre un X-Wing à l'ancienne et un Rogue Squadron ou le mode Starfighter de Battlefront 2. C'est à mi-chemin entre le Flight Simulator, vraiment, le vrai, et le jeu d'arcade. Mais on n'est pas complètement ni dans l'un ni dans l'autre. C'est un mélange assez intéressant. J'ai à peine touché le online, mais pour le solo, je trouve que ça se ressemble bien. Les missions sont hyper courtes. Il n'y a pas ce côté... où tu prenais le temps de trouver ton objectif, d'essayer d'élaborer des stratégies comme dans les vieux X-Wing. T'es vraiment du côté hop, il faut aller là, il faut aller chercher ce truc. C'est réussi, c'est moderne, mais c'est pas un nouveau X-Wing quoi. C'est plus moderne quoi. Moi, j'attendrais quand même qu'il fasse un jeu plus temporisé quoi, plus solo, etc. Mais je trouve que la formule qu'ils ont choisie est très bien aussi. Je sens qu'on va bien s'amuser pendant tout l'hiver. Diane, d'ailleurs, aujourd'hui, on a parlé un petit peu, on a demandé leur avis aux gens sur Twitter et on a pu remarquer que même si la grosse majorité des gens sont satisfaits, il y en a beaucoup qui ont des critiques et certaines, en fait, que j'ai trouvé assez étranges parce qu'en fait, il y a pas mal de reproches qui sont faits au jeu de ne pas être, enfin, d'être exactement comme il a été vendu et ça, c'est quelque chose qui me gêne un peu parce que les gars ils ont dit depuis le début le jeu il sera comme ça ce sera avec un solo pas trop long parce que c'est censé être une expérience multijoueur. Il y aura deux modes de jeu online et puis le jeu il sera tel quel, il n'y aura pas de microtransactions, il n'y aura pas de DLC sauf vraiment grosse surprise, mais normalement c'est pas prévu et je pense que si on a plus de contenu de Star Wars Squadron, ce sera plutôt dans une suite que dans un DLC et je sais même pas s'ils feront ça. Okay. Mais il y a pas trop pris sur la marchandise, c'est exactement c'est le ça. Jeu qu'ils vendent depuis 6 mois quoi. Il y a pas de, on savait que le solo ça a été plus un tuto quoi quelque part. Ouais, c'est ça. Ils ont dit que c'était bien de le faire pour bien prendre en main le jeu, mais ils n'ont jamais dit que ce serait le cœur du truc. Alors, après, il y a beaucoup de plaintes que j'ai vues parce que, justement, les personnages, ils sont un peu clichés, machin truc et tout. Mais je trouve que ça va, il tire quand même assez son épingle du jeu, même si il y a certaines parties, comme par exemple la partie impériale, qui est un peu chiante, je trouve, au niveau de l'histoire. Mais bon, ça va au niveau du gameplay. En fait, c'est bien. Ça te fait jouer un petit peu tous les vaisseaux. Et puis l'histoire. Moi, je trouve que l'histoire est assez intéressante pour les gens. Alors, c'est là qu'on arrive dans un des défauts, mais qui est aussi une force du jeu. C'est super bien pour les gens qui se tiennent informés sur l'univers de Star Wars, sur les gens qui connaissent, par exemple, le projet Starhawk, qui connaissent, qui ont regardé Rebels, qui ont lu quelques bouquins et tout. Il y a même des références à Star Wars Resistance. Donc c'est vraiment un truc qui est super pour les fans, mais alors, comme disait Matt la dernière fois, ça doit être très compliqué à appréhender pour les gens qui sont pas fans de Star Wars. Et ça fait que le jeu est encore plus de niche. Ils vont passer à côté de plein de trucs aussi. Bon, ça c'est. Mais de base, oui, il y a certains dialogues, tu vas être là, genre. Ok, pourquoi ils parlent de ça ? Parce que je comprends rien ce qu'ils viennent de dire. Je pense que voilà, pour des gens qui viennent juste jouer à un jeu Star Wars et qui ne sont pas spécialement fans, ça peut déjà les perdre un petit peu, c'est clair. Par contre, autrement, quand tu es fan de Star Wars, c'est un coffre à jouer le machin. Tu vas passer ta journée à faire le même de DiCaprio qui montre l'écran. Oui, c'est ça. Tellement il y a de trucs. Quoi. C'est tout l'intérêt de ces produits canons, quoi, de pouvoir récupérer des choses d'ici et là et les rajouter dans le jeu. Et le pire, c'est que c'est... Pardon. S'ils voulaient faire un jeu pour les fans, ils faisaient comme un Rogue Squadron, c'est-à-dire un best-of des plus grandes batailles, ou plutôt Rogue Leader, c'est un best-of des plus grandes batailles. Tout le monde aurait reconnu Luke, etc. Mais je trouve que l'intérêt de ce jeu-là, justement, c'est de créer un jeu de bataille online avec des éléments que les gens connaissent pas finalement, et ça c'est pas mal. Oui, c'est vrai que ça peut leur permettre de découvrir des trucs, mais voilà, il y a vraiment beaucoup, beaucoup pour les gens qui s'intéressent au reste. On verra sur les critiques, ou alors on verra peut-être les défauts après du jeu, ou les choses, parce que moi, je pense que c'est les critiques qui sont pas forcément... Enfin, se plaindre que le jeu est pas comme on nous l'a vendu, enfin, qu'il est comme il nous l'a vendu, effectivement, ça c'est... Et moi, je les vois pas comme ça, ces critiques, je les vois plus dans le sens où... Bah, c'est vachement bien, pourquoi il n'y a que 6 maps pourquoi la campagne solo, qu'elle soit scalée, qu'elle soit courte, moi ça ne me dérange pas, je ne trouve pas qu'elle soit spécialement courte d'ailleurs, il y a quand même de quoi faire. Je m'attendais à bien. Je pense qu'on en attend aussi, trop des jeux maintenant, surtout les jeux solo. Une campagne solo, genre 3 heures maxi, et puis c'était torché. Je m'attendais vraiment à un truc qui sort d'introduire juste le multi, mais vraiment plus en mode tuto, quoi. Mais je pense que là c'est plus une frustration dans le sens où il y en a qui commencent à se dire, et moi le premier, parce que hier en jouant, genre en faisant le tour des maps au moment de choisir une map, j'étais là à me dire ok, celle-là on l'a déjà faite, bon c'est pas grave, on peut la recommencer, elles sont cool, il faut les découvrir, il faut les apprendre, les poncer, on peut dire ça comme ça, mais au bout d'un moment, dans 2-3 mois, le jeu il risque vraiment de décliner très très vite, quoi. Et quand on voit la qualité du gameplay autour, on se dit bah oui, ça, forcément c'est un peu dommage, quoi. En même temps, vous compariez à Omoba tout à l'heure et tout, vous prenez Dota 2, Dota 2, moi j'ai joué quasiment toujours à la même carte toute ma vie, quoi. Ouais, pareil, en vrai Dota 2 c'est pareil, j'y ai beaucoup joué, en fait la map, finalement je pense que ça importe peu. Moi ce que je trouve un peu dommage, c'est d'avoir un système de gameplay vraiment bien, bien foutu et assez exigeant quand même. Et finalement, ouais. De pas trop penser à l'avenir, en fait. C'est ça qui, moi, me paraît un peu dommage. Ouais, peut-être que si, après, on sait pas. Ça se trouve, ils attendent de voir comment ça allait fonctioner et ils vont rajouter des patchs ou des trucs avec des nouvelles maps. C'est mon espoir, en fait. C'est que maintenant, enfin, ils se sont dit, on n'y croit pas trop, on vous file des ronds pour le faire et puis on voit ce que ça donne. Ça c'est fait. Et puis maintenant ils vont regarder les chiffres et quand ils vont, enfin, s'ils voient qu'effectivement ça va exploser, ce que j'espère, ils vont mettre peut-être des DLC de maps ou des choses comme ça dans les cartons. Ça va plus de ce côté-là. Pour moi, c'est clair que dans les 6 prochains mois ou au moins la première année, il va y avoir des missions, enfin pas des missions, mais des cartes qui vont être ajoutées, au moins à court terme, le temps de voir si le jeu il marche ou pas. Mais je pense que le jeu il va encore avoir des mises à jour, mais des mises à jour pour tout le monde et gratuites, quoi, comme Battlefront 2. Parce que ce qui est bête en plus, c'est qu'on a plein d'environnements qui ne sont même pas de la campagne solo qui ne sont pas exploités encore. Je veux dire, ils vont les rajouter, je pense. Il y a pas mal de coins qui ne sont pas encore dans le jeu, quoi. Donc il y a moyen de faire. Qui ne sont pas dans le multi, pardon. Donc c'est de. Alors on va peut-être commencer. Pardon. J'allais dire, on va peut-être commencer par parler du gameplay. Ah pardon. Vas-y, fini. J'ai fini. Mais du coup, on va peut-être commencer par parler du gameplay parce que Adrien, il a commencé à dire, voilà, c'est un gameplay assez exigeant et c'est vrai que c'est pas un gameplay super simple. Genre, tu commences, tu y arrives et puis c'est bon, t'as tout appris. Il y a vraiment plein de systèmes, des sous-systèmes. Moi, j'attendais vraiment de voir la gestion d'énergie, mais il y a pas que ça. Il y a la gestion des boucliers, il y a la gestion de tes armes, du réchauffement. Alors ça, c'est assez logique, hein, le réchauffement des armes, mais voilà, selon comment tu gères ton énergie, ça va faire en sorte que tel ou tel système fonctionne mieux, et un réchauffement, par exemple, des armes plus rapide. Perso, je m'amuse beaucoup là-dessus. Je sais pas, vous, quel est votre avis sur ça? Alors, je précise, je crois que vous êtes tous sur PC, sauf moi, c'est ça? Oui. Ouais. Voilà, donc tous à la clavier-souris. Manette, voilà, moi je suis sur manette aussi et je dois dire que sur manette je m'éclate comme un petit fou, c'est vraiment super très intuitif, très bien, en fait. J'ai vu que a priori sur ceux qui sont sur OTAS, donc ceux qui ont le stick et le truc pour accélérer tout ça, le vrai truc de pilote, c'est compliqué, mais ce qui est vraiment dommage, mais moi vraiment je m'éclate, hein. Je vais dire tout légèrement différent. Certains OTAS, il y a des soucis de dead zone, apparemment, de zone morte. En fait, il y a 30% quasiment de où tu vas faire un mouvement qui ne va pas intervenir sur le mouvement du vaisseau, par exemple. C'est un petit peu ennuyeux. Et sinon, globalement, c'est des des retours de config qui sont pas forcément optimales. C'est-à-dire que tu vas arriver avec ton OTAS, tu vas commencer à jouer, tu vas pas trouver ça forcément bien pensé. Il va falloir refaire un petit peu tout le layout, toute la configuration des touches, avant d'avoir quelque chose de sympa. Mais apparemment, sinon, ça marche bien. Après, ça reste des questions de patch, quoi. D'ici pas longtemps, ouais, les zones mortes, on n'aura plus. D'ici une ou deux semaines, ça sera fini, tout ça. Je pense bien, oui. Mais j'espère que ça ne va pas porter préjudice au jeu, parce que tu sens qu'ils y ont... Ils y ont vraiment bien bossé là-dessus et qu'ils se sont éclatés à faire un bon truc, qui se joue bien. Enfin, je sais pas, parce que je sais qu'Adrien, il a eu plus de mal au début à prendre en main, mais est-ce que ça va? Non, tu as... une grosse merde, c'est tout. Mais c'est pas un problème, c'est moi vraiment qui. En fait, de base, au jeu de shoot, je suis pas fort, mais alors quand c'est en 4 dimensions, ouais, dans le sens où c'est dans l'espace, quoi, je suis encore moins fort, mais c'est pas grave, j'arrive à tuer des bots, donc moi je suis content. j'ai un rôle de tank bombardier, donc en fin de compte, si je suis pas très fort en combat, c'est pas très grave, quoi, je peux quand même réussir à faire des trucs. Tu sens que le jeu, ceux qui l'ont fait, ils étaient vraiment à fond, parce que non seulement il y a des joysticks pour tout le monde, y compris sur console, même si effectivement ça, ils doivent régler ça au niveau des patchs et autres, mais il y a aussi le jeu est 100% VR, et ça me fait halluciner, quoi. Toute émission VR, quoi. Ça donne quoi d'ailleurs, parce que ça a l'air fou, hein. Je veux dire, tu joues plus, t'as plus envie de jouer sur un écran 2D une fois que tu joues à un jeu en VR, quoi, c'est fini, quoi. Il y a Tuki qui va l'avoir bientôt, le truc. Ça change tout. Hein. Moi, je vais, ça change tout, parce que quand tu suis un, par exemple, quand vous suivez un ennemi et qu'il fait sa vrille, là, qu'il part sur le côté, toi, tu continues à le regarder, en fait. Tu vois exactement où il est, tu lèves la tête et tout. Donc ça va être bien. C'est ma grosse frustration en ce moment, c'est que j'avais pu faire la mission VR, j'avais testé la mission VR de Battlefront 1, je crois. C'était super, oui. Et ouais, effectivement, tu peux suivre à travers le cockpit, à travers la baie, le mouvement des vaisseaux derrière quand ils passent et tout. Enfin, c'est déjà d'un point de vue immersion, c'est fou, mais même d'un point de vue gameplay, ça rajoute également un peu d'aide, quoi, un peu de. C'est un avantage, hein, certain. Un avantage, oui, clairement, oui. Après, ça donne pas trop envie de BGR quand même. Ça dépend des gens. Moi, je connais. Moi, ça me pose pas trop de problèmes. J'ai déjà fait d'autres jeux ce jour-là en VR récemment. C'est vrai que par contre, tu fais peut-être pas des sessions d'une heure, hein. Tu arrêtes peut-être, tu fais peut-être une pause au bout d'une demi-heure, de 5 minutes, mais ça dépend des gens. Je connais quelqu'un qui a fait une minute en VR et il a pas pu continuer, quoi. Donc ça dépend. Mais je pense d'ailleurs, hein, si vous voulez mon avis, je pense que le jeu à la base était pensé que pour la VR. Ah le solo, il a l'air, hein, parce que toutes les parties histoire, t'es fixe, tu peux juste tourner la caméra, t'as les gens qui t'attendent, ça fait, t'as fait très très très VR. Je sais pas s'il était pensé pour le VR, mais il l'ont pensé dès le début pour la VR. Matt, pourquoi tu parles en même temps que les autres? On a dit la même chose. Ouais, pour dire exactement le même truc. Je veux dire la même chose que lui, je veux dire le même truc, c'est exactement ça. Je pense pas que ça a été pensé d'abord pour la VR, sinon il y aurait des choses qui marcheraient pas pour nous, justement. Là, c'est qu'ils ont pensé directement, c'est un jeu qui sera VR et classique, et du coup, on fait que ça marche bien partout. C'est vrai. Ouais, mais après, voilà, j'ai vu des gens qui étaient pas contents parce qu'ils pouvaient pas se balader dans les hangars, et je comprends. Moi aussi, j'aurais bien aimé pouvoir bouger comme je voulais. Ils en ont parlé, les développeurs de ça. Ils ont expliqué en fait qu'ils hésitaient à pouvoir justement qu'on puisse se balader et aussi discuter beaucoup plus avec nos coéquipiers, ce qui aurait été cool, et faire des réponses à choix multiples comme dans un Mass Effect et tout. Et finalement, ils ont décidé de ne pas le faire parce qu'ils se sont dit que qu'une partie des gens voulaient juste piloter et ils ne voulaient pas tout ce côté backstory, machin. Donc, ils ont fait pour faire plaisir aux fans, les petits dialogues et juste on peut aller à des endroits spécifiques. Ils sont pas allés plus loin, mais après, si on râle tous en disant, on aimerait bien, peut-être que pour le prochain jeu, ils le font vraiment, quoi. Non, mais faut pas râler, faut dire, c'est super bien. What about more? ça apporte un certain sel, hein. D'ailleurs, ça, on y reviendra peut-être plus tard, mais c'est vrai que c'est assez cool. Juste pour le gameplay, parce qu'on s'est pas attardé dessus, je voulais surtout en parler avec Pierre, parce que qu'est-ce qui reste de X-Wing ou de X-Wing Alliance dans ce gameplay, réellement? Qu'est-ce qui reste ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont repris ? Ce qui a été hérité, voilà. Ce qui a été. Il y a la gestion de l'énergie, tout ça, qui est clairement repris dessus. Ça, dans Rogue Leader, tu n'as pas ce genre de truc. Rogue Squadron, tout ça, tu n'as pas de. Non, c'était beaucoup plus simple dans Rogue Squadron. C'était vraiment de l'arcade, quoi. Il y a ce côté-là, et puis il y a le côté plus scénarisé. Ouais, il y avait aussi dans Rogue Squadron, mais. Je sais pas, ouais, j'ai retrouvé quand même du feeling qu'il y avait sans que ce soit vraiment. C'est comme un héritier, mais lointain, quoi. On n'est pas du tout dans le même trip que dans les X-Wing. Mais au niveau gestion, par exemple, là, je vois des gens qui disent ouais, c'est la même chose que le mode Starfighter de Battlefront 2 en mode uniquement vue première personne. Et je suis pas d'accord. Il y a beaucoup plus de. Les combats, ils sont plus. Stratégique, ouais, ils sont plus sexy. Si la stratégie est sexy, effectivement, c'est un peu plus tactique, on va dire plutôt. Ouais. On a bien vu, surtout quand tu joues à plusieurs. Ah, bah il faut jouer avec des potes, ce genre, tu peux pas jouer avec des inconnus. Hein. Bah là, on a joué avec des inconnus, c'était une horreur. Ouais, avec Fredo, ça va. Attendez, tout à l'heure, on a fait une partie, Tuki et moi ensemble, avec trois inconnus face à l'IA en mode facile et on a perdu. Ouais. Parce que les autres gars, ils faisaient n'importe quoi. Ils faisaient n'importe quoi. Parce que je sais pas si vous, mais en mode solo, moi, un autre truc que j'apprécie beaucoup, c'est la gestion des équipiers, où je leur dis quoi faire. Et, ouais. Et quand je me fais poursuivre, je leur demande d'attaquer mon poursuivant, que ça, je continue à faire mes trucs. Et donc, ça, le problème, c'est qu'en mode online, c'est pas aussi. Il faut pouvoir dire aux autres et aider-moi. Il y avait un début de ça dans les originaux, justement. Ouais, c'est vrai, il y avait un début un petit peu, genre passe à l'action. Machin. Bah, En multi, il y a, il y a que Funelli qui sait le faire dans l'équipe, mais tu peux dire, allez, tout le monde, on se rejoint là, on attaque ce point-là, machin truc et tout. Non, je sais faire moi aussi. Ouais. Je sais faire. Mais je sais faire aussi moi. C'est juste que je galérais deux fois à cibler le bon truc. Ouais, des fois, ils ciblent n'importe où. Et tout, genre, mais je veux le Star Destroyer là, pas le petit vaisseau à côté. Moi, au contraire, moi, je le dis à l'oral. Je dis, bon, allez, on cible tous les trucs, ce truc-là, ouais. Et puis, on n'y arrive pas parce que je suis nul, mais... voilà, c'était un des trucs dont on parlait avec Grouchouf tout à l'heure, c'est que quand tu veux faire un mode multi, t'es obligé d'être par 5, tu peux pas être genre toi, ton pote, et puis 3 IA. Si t'es pas en solo, ils te foutent forcément avec d'autres gens pour qu'il y ait 5 gens face à l'IA ou face à d'autres gens, et c'est dommage, parce que voilà, Grouchouf et moi, on voulait juste jouer tous les deux, et avoir comme coéquipier l'IA et comme adversaire l'IA, mais en fait, non, on pouvait pas. Ouais, c'est là que c'est l'horreur, parce que jouer avec des inconnus sur Internet, c'est compliqué, quoi. Ouais. C'est un autre point, j'ai vu qu'il y avait pas mal de retours qui disaient, le jeu, il va vite être abandonné, ou je vais vite l'arrêter, enfin, le laisser, parce que voilà. Mais c'est clairement un jeu où tu vas t'éclater, mais si tu as 4 potes pour jouer en multi, le solo en multi, ça va être le deathmatch, et encore. Moi aussi, le deathmatch peut-être, mais voilà, histoire de jouer peut-être une demi-heure, vite fait, par-ci, par-là. Vraiment, je pense que. Voilà, on s'est bien marré hier soir. On a joué combien de temps ? 5 heures, je crois. 5 heures. 5 heures. Non, pas autant. Si, si. Ah, si. Si. Si, aller voir, il y a 5 heures de stream. Au moins 4h30. On n'arrive pas à passer autant de temps, en plus, à faire le même mode, parce qu'il y a un seul mode, il y a quasiment un seul mode, à part le deathmatch proposé. On n'aurait pas passé autant de temps si on s'était pas marré autant, voilà, à jouer ensemble. C'est un jeu multi auquel il faut jouer déjà. Il faut déjà plusieurs pour y jouer, quoi. C'est tout seul. Après, c'est dans le titre. Hein. Enfin, c'est vrai. Moi, j'ai. C'est un escadron. Squadron, c'est comme ça. Tout de suite, j'ai compris. Ok, donc c'est des escadrons qui s'affrontent. Donc voilà. Quoi. Après, je sais pas, moi perso, ça ressemble exactement au jeu qu'on m'a vendu il y a 6 mois. Hein. Et moi-même, je dirais, je le trouve un peu plus. Enfin, je sais pas. J'étais très content, mais j'avais quand même un peu d'appréhension. Et vous savez, comme je suis tout le temps un gros râleur, je laissais quand même. Enfin, j'étais quand même excité. Et au final, je crois que je dois être un des seuls ici qui trouve que le jeu est mieux que ce qu'ils avaient promis, quoi. La campagne est plus longue que ce à quoi je m'attendais, le multi est beaucoup plus fun que ce à quoi je m'attendais, les contrôles à la manette sont beaucoup mieux que ce à quoi je m'attendais. Alors je pense qu'en fait, il fallait pas le prendre sur PC, vous êtes tous débiles. Parce que tous les retours, tous les bugs que j'ai vus, ils sont tous sur PC. Et ça c'est un problème par contre. Et c'est pas forcément de la faute des devs, mais... J'ai juste un peu de mal avec l'espèce d'inertie de flottement qu'il y a entre le moment où le curseur et puis et puis le mouvement de la souris. Mais ça, je crois que c'est le gameplay qui veut ça. Ou c'est pareil, même ça. Ouais, la manette, ça marche. Hein. Ouais, à la manette, ça réagit direct. Hein. La manette, j'ai eu un peu de mal au début parce que je trouve que le schéma de gameplay, il est un peu bizarre à maîtriser. C'est pas le même que dans les autres jeux de spatiaux que j'ai d'habitude de faire. Mais j'ai quand même continué sur ça et puis maintenant, il n'y a pas de problème. Oui, il fonctionne bien au final. Quoi. Vous savez quoi, je vais tester la manette après l'enregistrement, je vais bien voir ce que ça donne. On a une espèce sur PC, on a une espèce d'inertie sur le moment, par exemple, où on dit on va à gauche et le moment où le vaisseau commence vraiment à aller à gauche. Ouais. Quoi. Ah ouais, c'est chelou. Ça rend le ciblage parfois un petit peu compliqué. Tu m'étonnes. Ah ouais, mais du coup, c'est pour ça qu'on est venu la chier avec Matt. Le décalage des sous-titres, putain, relou. Matt, il était après, pas mauvais, il était très très fort pour tourner en rebondissant sur les ennemis. Après, je voulais dire, par rapport au mode multijoueur, il y a l'avantage aussi que tu peux faire les batailles de flotte, et tu peux aussi les faire si t'as pas d'amis et que t'es tout seul, vu que tu peux faire un mode solo où t'as l'IA comme coéquipier. Et ça te fait monter de niveau. Ouais, parce que il me semble qu'il y a quand même pas mal de jeux où le mode multi, c'est vraiment multi, quoi. Tu peux pas faire des trucs où t'es censé être plusieurs juste en personne d'autre. Donc c'est bien d'avoir ça. Je pense que l'approche est juste, la base est là, c'est fun, c'est beau, c'est joli, ça marche bien, il y a une bonne synergie, tout ça entre les vaisseaux, c'est cool. Maintenant, pourquoi on n'a pas un mode, escorter une navette d'un payload, simplement, un payload, escorter une navette d'un point A à un point B, ce genre de truc, je pense que... Je veux dire la bataille de Dakar dans TLJ, en fait. Tu escortes les bombardiers qui vont à deux à l'heure. Ouais, c'est le genre de truc. En fait, il y a du potentiel en fait, avec la campagne solo, même. Voilà, je repensais à Rogue Leader, tout ça. Il y a du potentiel au niveau des missions solo qui pourraient marcher en multi, justement en Escadron 5. Pourquoi bon, c'est pas un reproche parce que le jeu est très bien comme ça. Je dis juste, mais ouais, ça me vient comme ça. Pourquoi on peut pas faire la campagne solo? Ah, mais Claire, coop, mais elle est faite ouais. Mais ça se trouve, ils vont le débloquer après ça. Ils vont le mettre. Oui. Ah, ce serait bien qu'ils le fassent parce que ce serait cool de pouvoir faire. Après, il y a des gens, je dis beaucoup des gens aujourd'hui, mais c'est souvent les mêmes en plus, qui sont très en colère de devoir jouer l'Empire dans le jeu. Et pas, genre, moi je trouve que les motivations des personnages sont un peu reloues. Shen, il me fait marrer. Je suis super content qu'il y ait Von Reg, mais voilà, par rapport à Vanguard, je suis moins emballé, mais voilà, ça me dérange pas. En plus, ça m'a permis, par exemple, de voir que chez les rebelles, je suis bon pour les Y-Wing, alors que, l'intercepteur taille, c'est-à-dire le meilleur taille, je suis super bon dessus, alors que je suis super nul avec un A-Wing. Et je trouve ça intéressant, que ça me fasse toucher un petit peu à tout, et de voir que le gameplay est vraiment, ils ont réussi à faire en sorte que les tailles soient pas nuls à chier, en fait. Ah ben ils sont même très bons en fait, parce que face à certaines personnes, et je pense qu'ils ont trouvé le bon build-up, le bon setup au niveau des différents éléments. On n'a pas parlé de ça encore. On peut customiser chaque vaisseau avec différents éléments, différents canons, différents boucliers, différentes armes secondaires. Le big laser. Le big laser des Y-Wing. Il y a plein de choses qu'on peut. Alors, on peut comme ça customiser son vaisseau, voire même plusieurs. Selon les conditions, peut-être la stratégie aussi à choisir, puis même son style de jeu simplement. Et déjà les tailles de base sont pas nulles. Ils ont réussi à leur trouver des avantages qu'ils n'ont pas donné au vaisseau des rebelles. Et en plus, maîtriser, c'est des belles saloperies. Quoi. Moi, quand j'avais commencé à jouer le mode histoire et qu'on commence direct par le taille. Je trouvais que je m'en sortais bien, et après quand c'est passé au X-Wing, j'étais en mode... c'est vrai que le taille était bien. X-Wing, alors que le taille, je trouvais dégueulasse. Le taille, au début, la première mission, je l'ai trouvé dégueulasse. Je saute dans un vaisseau rebelle, ça marche beaucoup mieux. Et là, à un moment donné, dans la campagne, on revient à l'Empire. J'ai pris le taille, je fais « Putain, il est trop bien ce taille, il marche trop trop bien !» Et ces détails, ils sont en or massif aussi, quoi. Ils peuvent se prendre un million de coups de laser dans la gueule, et puis ils continuent à survivre. Ouais, mais en même temps, il faut balancer. Ah ouais, même, le taille, c'est passer mon temps à appuyer sur le bouton pour qu'il y ait un robot qui répare tout, quoi. Alors que X-Wing, c'est gestion des boucliers. Ouais, mais ce qui est bien avec le taille, c'est qu'on n'a pas de gestion des boucliers, mais on a une gestion du système d'énergie. Tu peux tout foutre dans les moteurs, tout foutre dans les lasers, et ça, mine de rien, bah, je pense que bien joué, en multi, ça va faire la différence également. Alors, c'est rien qu'en solo, déjà dans la campagne solo, ça fait de plus à l'aise, quoi. Mais t'as ça aussi pour les X-Wing. Enfin, pour non, sur tous les vaisseaux qui n'ont pas de bouclier, à la place de la gestion des boucliers, on a une gestion des systèmes. Donc, c'est-à-dire qu'il y a la gestion d'énergie normale, et en plus, il y a une espèce d'autre interrupteur qui fait tout vraiment sur les lasers, ou tout sur les... En gros, tu ne peux pas tirer si tu mets tout sur les moteurs, et sinon, ton vaisseau n'avance pas, mais il a tout sur les lasers. Ah oui, d'accord, vraiment tout, pas comme les X-Wing, où c'est juste avec la molette, c'est ça, pour vous. C'est ça. De quoi c'est le truc oui, qui ça, se fait. C'est la touche C, pardon. C'est la touche C. Et après, il faut aller en avant avec la souris ou en arrière. Ou alors molette haut, molette bas, et puis après, relâcher la touche, un truc comme ça. Ça me fait penser qu'au début de la campagne, on arrive dans les vaisseaux et tout. Il y a toute une scène cinématique. On rentre dans les vaisseaux, on sort du Star Destroyer, on passe, on rejoint Gozanti, on passe en vitesse lumière et tout. Et puis, pareil pour le X-Wing, où on monte dedans, il y a toute une. On passe en hyperespace et tout. Et après, j'étais hyper frustré parce que c'était que les cutscenes où tu arrives directement en pleine mission, quoi. Ouais. Le point de Gozanti, c'est extraordinaire par contre. Alors déjà d'avoir récupéré sa Dribbles, j'étais très content. Parce que c'est là que ça a apparu, hein, je crois. Le fait d'amarrer des. Il paraît que ça existait déjà dans le. Alors les Gozanti existaient déjà, mais je ne me souvenais pas que ce système d'amarrage existait déjà dessus. Mais en tout cas, voilà, le fait, voilà, une fois, trois petits croiseurs arrivés, qui larguent les tailles, ton taille est largué, ça c'est super. Enfin, c'est. Ouais, pour aller vérifier un cargo qui date du premier X-Wing. Ah ouais. Bah tiens, pas rien à voir avec le gameplay, hein, on s'est un peu éloigné de ça, mais pour dire à quel point c'est fait pour les fans de Star Wars, mes enfants qui ont vu les trois premières saisons de Rebels, quand ils voient un peu tout ce qu'il y a dans le jeu, ils sont tout le temps en disant oh, mais il y a ça, oh, mais il y a ça, oh, mais il y a ça, et c'est trop cool quoi de jouer avec des petits à côté, c'est vraiment. C'est un coffre à jouer. C'est vraiment. Oh, mais il y a ce vaisseau-là. Oh, il y a le vaisseau qu'ils ont volé à l'Empire, le transporteur. Il y a eu Hera. Hein. Elle était dans les trailers, j'ai le droit de le dire, c'est pas un spoiler, mais les petits, ils étaient fous. Tout à l'heure, ils ont vu Hera. Ils étaient. Oh pareil, j'étais ouf pareil. Hein, en live. C'est con, hein, mais le vraiment, Star Wars. Alors, c'est le cas depuis longtemps maintenant, mais. Je trouve que avec ce jeu, est vraiment rentré dans ce délire complet de transmédia storytelling que moi j'aime vraiment beaucoup parce qu'en fait on regarde dans les deux dernières productions majeures, bon allez, celle d'avant parce qu'on n'a pas compté la saison 7 de The Clone Wars, mais vous regardez par exemple The Mandalorian et Star Wars 9, il n'y a pas tellement de connexion au film, enfin à l'univers étendu, en tout cas pas beaucoup. Et là, vraiment, ils ont... De quoi ? Non, c'est bien, ce jeu, c'est ce qu'on attendait depuis qu'ils ont annoncé qu'ils allaient faire du transmédia, quoi. C'est ça, vraiment, là, on a atteint un stade de transmédia storytelling où ils ont vraiment sauté à pieds joints dedans, et ça fait du bien. C'est plus simple aussi, parce qu'ils gèrent que des batailles, enfin, des endroits où on voit que, finalement, un terrain spatial et tout, donc c'est plus facile de mettre, par exemple, des vaisseaux, de faire appel à des personnages qui vont faire le briefing. Alors, dans Star Wars 9, ça fait un peu in your face, ils foncent, ils sortent... ils ont mis le gosse, tu vois, pour pas mettre Hera quelque part, quoi, parce que sinon, ça fait trop... Il y en a pas mal, je trouve, mais limite trop dans Star Wars 9. Attends, il est sorti Star Wars 9 ? Je trouve pas. Il est sorti, non, il est pas sorti, c'est ça, ouais. C'est encore une fois. Non, mais. Ils arrêtent pas, là. Sacré Covid, quoi. Alors, je dis pas que Star Wars 9 est à cause du Covid, mais c'est arrivé un peu en même temps. Ça a commencé à peu près en même temps, voilà. Ouais, c'est vrai. C'est. Voilà. Mais pour le coup le côté transmédia, je le disais déjà je crois quand on a reparlé de l'épisode 9 il y a deux semaines, c'est que le côté transmédia il le gère super bien sauf pour pour oui. les films, en fait. Et encore, c'était, ça allait. Mais l'épisode 9, c'est la fête à n'importe quoi. Je veux dire, les contradictions, les trucs comme ça. Mais les mecs, ils sont, tu les vois, enfin, ils le disent pas clairement, mais tu vois bien que les mecs du Lucasfilm groupe, enfin, ils sont Story Group, je pense pas qu'ils soient hyper contents de tous les trucs qui sont revenus dans le film par rapport au roman ou autre, parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Ah bah non, c'est sûr. Mais parce la grosse différence, c'est que tu dis à Abrams, s'il faisait ce qu'il voulait, s'il décidait de faire de la merde, il faisait de la merde. Ou pas d'ailleurs, hein. C'est pas vraiment. Live sur l'épisode 9, mais oui, c'est ça. En fait, même des gens du Story Group se sont barrés tellement ils en avaient marre. Donc, ils sont vraiment fait chier dessus pour l'épisode 9. Enfin, c'est vraiment une honte, quoi. Voilà, calmons-nous. Il leur dit alors, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il y a calmez-vous. Ça qui va pas. Et puis il y a Abrams qui fait ouais, mais c'est pas toi qui décide. mais voilà, là c'est super bien géré et ça fait vraiment super plaisir en fait. T'as pas l'impression que tu suis le truc pour rien en fait. C'est pas forcé. Moi, perso, je trouve pas ça forcé. Oui, c'est ça, ça fait partie du truc. C'est parce que c'est comme ça. Un peu. C'est parce que c'est pas un film, justement, je trouve. Là, tu vois les navettes de Rogue One, tu peux faire ah, il y a les navettes de Rogue One, mais si c'était dans un film, tu ferais ah, elles sont obligées de passer en plein milieu, c'est comme le gosse, etc. Alors que là, c'est un élément du décor parmi d'autres. Si tu regardes à droite, tu les vois pas, quoi. C'est pas du tout la même gestion. En vrai, même dans un film, voir les navettes de Rogue One, par exemple, ça m'aurait pas dérangé dans le sens où c'est cohérent que ce soit là, tu vois. Ça me fait beaucoup moins chier que de voir les deux connards de la cantina de Mos Eisley sur Jedha, tu vois. Et que la caméra s'attarde dessus 5 secondes. Mais oui, pareil pour le Blue Milk, ça fait aucun sens, tu vois. La galaxie, elle est immense et vraiment en bordure extérieure, ils boivent la même merde que là où Jean est, quoi. Non, mais c'est... Ah, ici aussi on boit ça, quoi. C'est quoi le problème? Non, mais. Parce que je sais qu'il n'y a que ça qu'on peut. Grande, ils connaissent une boisson dans la galaxie, quoi. Arrêtez. Il n'y a pas tant de bandes. Ah, putain, c'est la même chose. C'est du Coca-Cola de là-bas, quoi. C'est soit ça, soit le jus de Jawa. Bon. Mais ça se trouve, en fait, Blue Milk, c'est genre une espèce de. Vous savez, c'est genre une espèce de multinationale de malade dans l'univers de Star Wars. C'est le même pas. Mais c'est Nestlé de. Avec le Jedi. C'est Nestlé de l'espace. Ouais, c'est ça. Bref. Non, autrement, ils auraient pu forcer avec Hera, mais ils ne l'ont pas fait, par exemple. Elle est là. Mais pareil pour Wedge. Hein. Wedge, on sait qu'il est dedans. Il est dans son truc. Alors, ce qui est bien, en fait, et on en parlera peut-être après, c'est que ça peut ouvrir tellement de portes, juste de quelques petits trucs qu'ils disent pour des suites, pour des trucs comme ça. Avec ce même gameplay, j'ai hâte de voir ce qu'ils font. J'espère qu'ils feront quelque chose avec ou pas. C'est quand même triste que Hera meurt à la fin, quoi. Ah, pardon, vous n'y étiez pas encore, j'avais oublié. C'est faux, hein. Évidemment, il n'a pas fini la campagne parce qu'il est tout à fait nul. Je plaisante. Exactement. Bah, tu parlais de trucs qui ont été introduits et qui pourraient du coup être utilisés. On a le premier perso non-binaire d'un média visuel Star Wars. Ouais, c'est ça. Ils se permettent aussi pas mal de choses dans l'histoire, même si c'est un petit truc, même si c'est ça. Pour la première fois, on a deux trucs pour la première fois dans Star Wars, c'est-à-dire un personnage gay qui ne cache pas qu'il est gay et qui n'est pas genre pendant une demi-seconde à la fin de Rise of Skywalker. C'est un des personnages centraux du jeu. C'est assez cool. Et qui n'est pas spécialement présenté comme étant gay non plus. Il l'ignore pas, tu vois ce que je veux dire. Il parle de son mari dans le jeu. C'est pas genre « bury your gaze ». Et on le dit juste dans la databank, et puis c'est tout. Non, il l'est. C'est juste normal, quoi. C'est ça. Ce qui est triste, c'est qu'on soit obligé d'en parler, tu vois, comme si c'était incroyable, alors que... Et voilà, et Tuki, tu peux parler un peu de Keo, parce qu'en plus, il y a plein de trucs par rapport à ce personnage-là qui seront intéressants. En plus, j'ai pas encore fait beaucoup le mode histoire, mais j'ai vu un peu son wiki. Du coup, on a Keo, qui est un personnage non-binaire. Pilote de A-Wing. Oui, et qui... utilisent les pronoms donc they, them, et en français ils ont bien respecté, et donc c'est bien yel comme pronom neutre. Bien, super. Et bien, incroyable. Ouf. On n'a pas fait nos transphobes cette fois-ci dans la traduction. Mais tu sais que. Pardon, oui. Ah, vas-y. Et j'ai regardé un peu sa backstory. Du coup, c'est en plus quelqu'un qui est force sensitive, mais qui utilise pas vraiment la force, à part pour avoir un petit peu, j'imagine, des avantages de pilote ou ce genre de truc. Mais, c'est genre 30% de zizi chlorien. C'est ça, plus ou moins. Ce qui a priori est inné chez les Myrielan, en fait, en l'occurrence. Pas inné, mais presque, je crois qu'elle le dit en tout cas. Oui, oui, ils ont un entraînement. Oui, c'est ça. Ils ont ça comme matière à l'école, tu vois. Maths, français. Oui, c'est ça. La c'est force. Ça. Mais en vrai, Kyo, je la trouve. Enfin, je la trouve incroyable et je sais pas vous, mais je crois que c'est la première fois dans un média. Écranique, donc avec un support d'écran, j'entends visuel. Arrêtez de vous foutre de moi parce que ça existe vraiment ce mot. Ok. Okay ah ouais. Merci. Moi, je me fous de la langue française. C'est la première fois que je lis et yell, et je suppose qu'ils le disent aussi en VF, mais en fait, je pense que d'un point de vue de la représentation trans et donc non-binaire, c'est incroyable. Le fait qu'ils aient utilisé le pronom Yel, moi je trouve ça fabuleux. Ce soit dans Star Wars que j'entends ça, la première fois dans un média. Ouais. Bon, j'aurais préféré qu'ils continuent et qu'ils ne prennent pas des actrices transphobes pour The Mandalorian, mais ça c'est un autre débat. Et ça c'est un autre débat, ouais, parce que c'est même pas, ils y sont pour rien du tout pour le coup. Ouais. D'ailleurs, ils ont dû tirer la tronche quoi, quand ils ont vu l'histoire de Bibouba, Bibaboubap là à la cour. Ah ouais. Non, mais ils sont fait coup, ils s'en foutent en fait. Ils ont dû faire, mais c'est pas possible quoi. Ils s'en foutent, mais c'est mais ça, on en reparlera plus tard parce que ouais, ils ont un comportement étrange par rapport à ça, surtout quand on voit ce qu'ils avaient fait par rapport à Résistance et qu'ils avaient changé une actrice parce qu'elle avait dit des trucs racistes sur Twitter et que là, ils se permettent de laisser ce genre de trucs. Là, elle est beaucoup plus connue, donc là, c'est pas pareil. Hein. Ouais. C'est pas les mêmes contrats, c'est pas les mêmes choses. Mais moi, il y a un truc qui m'a fait, avant même de savoir pour cette histoire-là de Kyo, sa backstory et tout, il y a un mec qui m'a envoyé, parce qu'il y a encore un mec qui a cru que j'étais le compte officiel sur Twitter, et qui m'a dit je ne jouerai jamais à votre jeu de SJW. Mais moi, j'y suis pour rien si tu veux pas jouer à un jeu attendu depuis 20 ans parce que t'aimes pas des pronoms, quoi. Tu sais, les gars, ils vont dire oh, vous vous offensez pour tout, mais ils sont triggers par des pronoms, tu sais. En parlant de son pronom, on m'a big up à la traduction française qui a pas foutu dans la colle aussi. Bah, cette fois-ci, Baroud d'honneur, parce que pas Baroud d'horreur, mais Baroud d'honneur. On avait déjà un personnage non binaire et qui avait été sabré un petit peu à la serre. Il y a eu des nouveautés par rapport à ça, je crois, sur internet. Je crois que le traducteur. Il a genre reparlé, je sais plus, il me semble qu'il y a quelqu'un, non, l'auteur du livre en anglais avait genre dit ouais, c'est n'importe quoi à propos de la trad VF en fait. Ouais, il en avait parlé, ouais. C'était l'année dernière, ouais. Hein, il en avait, oui, il avait parlé, Daniel José Holder, qui est pourquoi j'ai fait avec le vieil accent, qui avait parlé de la traduction française et qui disait que c'était un peu. Tu peux continuer toute l'émission avec cet accent, s'il te plaît. Si, alors, allons-y. Mais c'est gros, ils avaient bien réagi parce que dans la foulée, ils avaient sorti Chute de l'Empire et c'était déjà rattrapé un petit peu à ce niveau-là. Ouais. Au niveau mais on s'égare. On s'égare. Non, on parle de représentation. Avec ça. Autre petite représentation, mais là c'est minime, mais je crois que c'est la première fois qu'on a un alien leader d'escadron. Oh putain, j'avoue. Pas dans les bouquins, parce que il me semble qu'il y avait un leader alien dans, comment ça s'appelle, dans Étoile Perdue, dans l'escadron Corail, je crois. Oui, mais dans l'univers écranique. Attends, mais va voir dans ce que je vous ai envoyé, c'est vrai, ça existe vraiment. Il a pas menti, ça se dit vraiment écranique. Mais oui, mais c'est comme moi, vraiment, ça existe. Tu parles à un docteur en filmologie Encore. Mais c'est un docteur écranique. Bientôt vous m'appellerez docteur. Et je sais plus de quoi on parlait. Squadron. Ah oui, c'est vrai. Le leader d'escadron alien. Mais alors, peut-être que effectivement, peut-être plus souvenir que dans Étoiles perdues, il y en avait un autre, mais enfin, même si on prend Alphabet Squadron, qui est vachement récent, pour le coup, pareil, c'est une femme humaine. Après, tu oublies quand même, le Ghost. C'est le Ghost, oui, mais c'est pas un escadron. Mais si, parce que c'est la leader de l'escadron Phoenix, tu dis n'importe quoi. Non, tu as raison, Adrien. C'est Matt qui dit de la merde. Mais non, c'est pas... Ah, c'est l'escadron Phoenix. En vrai, c'est vrai. Donc... Mais c'est pas un escadron au sens d'unité formée par la Nouvelle République ou même par la... Bien sûr que si, vu qu'il y a les A-Wing qui l'accompagnent et tout. Oui, mais... Alors. On part dans le débat parce que c'est des cellules rebelles, il y a un petit peu indépendantes, tout ça, c'est un peu le bordel au début. C'est pas bien clair, même pour nous. Non, mais ce que je veux dire, c'est que par rapport, voilà, même où l'ancien canon, on avait l'escadron Rox, c'était quasiment que des humains, l'escadron Spectre, pareil, et encore Page à la 2. Il y avait des Ewoks. Il y avait des Ewoks en plus. Mais. En parlant d'Ewoks en plus. Qui parlait. En parlant d'Ewoks en plus. Attends, on n'a pas fini sur Gunny. Parce que Gunny, en plus d'être une alien, elle est handicapée. Oui, oui. Et ça, c'est super cool. Il y a pas mal de représentations dans du côté de la rébellion. C'est génial. En gros, pour résumer rapidement, en gros, elle a eu un bras arraché pendant une guerre. Et donc, du coup, elle a une espèce de prothèse. Et c'est pas une prothèse à la Luke Skywalker où elle a Anakin. Non, c'est pas des riches. Propre et tout. Elle est complètement dégueulasse, sa prothèse. C'est un bras de droïde. C'est bien ce que je me disais. Et en gros, à mon avis, c'est le bras. C'est un C3PO qui arrive, qui lui pique son tour, il fait « Oh, you probably didn't recognize me because of the orange arm. » Donc en vrai, voilà. Donc Gunny, je l'aime trop. Et tout l'escadron... Elle vient de Mimban, en plus. C'est cool. Ouais. Ça fait un gros lien avec Solo. Et puis, elle décrit les batailles de l'âme de Mimban. De ce qui se passe là-bas, qui sont assez violentes. Quoi. Qui sont vraiment après ça, on l'avait vu que c'était violent. Hein. C'est un peu même pendant la guerre des clones. Il y a pas mal de choses qu'on a pas vues au niveau du film, dans ce qu'elle raconte. Et voilà. Frisk, je ne sais plus, le 32 chaîne. Frisk. Ce qui est intéressant avec lui, c'est que déjà, il n'est pas albinos. Je n'ai pas souvenir d'avoir vu ce genre de coloris chez eux avant. Il n'y a pas les yeux rouges. Mais ça marche pas. Ça blague surtout. Il est intéressant parce que. J'ai l'impression qu'il est déjà albinos d'une part, et surtout, c'est la première fois qu'on représente un 32 chaîne qui n'est pas, on va dire, basiquement mauvais. Dans le canon, les 32 chaînes, c'est des prédateurs, c'est des mecs qui kiffent chasser, qui kiffent tuer, qui ont des trophées, qui prennent. Enfin. Réduisent en esclavage les Wookiees, qui sont bien potes avec l'Empire parce que ça les arrange. Et là, en l'occurrence, on a un 32 chaînes qui est dans l'Alliance Rebelle. Quoi. Et ça a l'air con comme ça, mais ça vient encore casser les clichés. On avait beaucoup de clichés avec les Twi'leks, qu'on finit par drôlement s'amenuiser avec le temps. Et là, pareil, avec les 32 chaînes, on s'y met aussi. Je trouve ça cool. Ah, du coup, niveau représentation Nouvelle République, on en a parlé. Et alors, encore une fois, des gens. par rapport à l'Empire, j'ai vu beaucoup de personnes qui se plaignaient en fait que la plupart des personnages dans l'Empire ne soient pas blancs. C'est-à-dire en fait aucun, il me semble, à part comment elle s'appelle, Von Reg qui est blanche, il me semble. Et Shen, on ne sait pas. Et Shen, on ne sait pas, ouais, mais voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui reste d'humain chez Shen, surtout ? Ouais, c'est ça la question. Et qui disait, ouais, pourquoi ils sont tous de couleur, c'est de la mauvaise représentation, tout ça. On peut débattre de ça, mais il y a un autre élément intéressant, c'est qu'il y a quelqu'un qui dit ils sont tous de couleurs différentes, mais ils ont tous un accent british. Eh ben oui, exactement. Et c'est là le truc, en fait. C'est des personnes qui ils se sont fait coloniser. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ils sont tous pareils. C'est tous des british. Et pour le coup, c'est le fameux truc un peu proto-progressiste de notre empire de fantasy. Il va être de plein de couleurs, mais du coup, ils vont être racistes des aliens. C'est juste ça, en fait. C'est juste ça. Même si moi, je suis d'accord quelque part que ce serait bien que ce soit tous des blanquitos, parce que sait comment ça se passe. Mais ça, personnellement, en tant que personne qui a déjà été victime de racisme, de trucs comme ça, je trouve pas ça problématique d'avoir des personnes différentes. Je veux dire, l'Empire romain, ils n'étaient pas tous blancs, hein, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Je veux dire, le truc, il s'étendait sur la Méditerranée, il y avait des gens de toutes les couleurs dedans. À l'échelle d'une galaxie, s'il y a plein d'humains dedans, ils ne vont pas tous être blancs. Moi, je trouverais ça même un peu plus problématique qui fasse que le truc que humain... ce soit que des blancs, parce que ça veut dire que ceux qui sont pas blancs, c'est pas des humains. Enfin, c'est quoi le truc Ouais, ça voudrait dire qu'ils appliqueraient le. Enfin, je veux dire, nous, c'est à l'échelle de notre planète et notamment à l'échelle occidentale, le côté raciste des blancs suprémacistes et tout. Mais à l'échelle de la galaxie, ça se trouve, ils ont pas évolué pareil. Enfin, l'Empire était très blanc dans les films parce que il essayait justement de représenter les. Et suprémacistes blancs et tout ça, mais à l'échelle d'une galaxie, ça semble plus logique qu'il y ait plein de gens de couleurs différentes. Ça a été aussi filmé à une époque où il y avait moins de représentation. Moi, pour moi, j'ai toujours pris ça contre. Ils sont racistes contre tout ce qui n'est pas humain. Moi, j'ai pris ça déjà comme ça à l'époque. Ouais, c'était déjà présenté comme ça. Bah le race, enfin l'Empire avant Disney, on va dire, pour faire gros, en gros, c'est que c'était un régime totalitaire, plus proche peut-être le régime nazi, j'imagine. Hein, mais voilà, je pense que c'était surtout l'Empire britannique, l'Empire américain, enfin. C'est l'impérialisme, mais du point de, on va dire dans l'excès, c'était plus le nazisme, j'ai l'impression. C'était clair. C'est la même chose. L'impérialisme américain et le nazisme, c'est les descendants. Sexiste, raciste xénophobe. Simplement. Du coup, effectivement, on avait très peu de femmes. Les seules femmes qui étaient représentées, et surtout à des postes de pouvoir, c'était des femmes qui étaient amantes de un tel ou un tel et qui avaient réussi à gravir les échelons ainsi, ou alors des traîtresses, ou alors des espionnes rebelles qui repassaient à l'Empire ensuite. Ou alors c'était la femme de Luke. Ensuite, ils étaient tous blancs, ça clairement, je n'ai pas souvenir d'un personnage vraiment de couleur, d'un humain de couleur dans l'Empire. Et les rares fois où tu avais quelques éléments non humains, Spawn par exemple, c'est parce qu'il était vraiment trop balèze pour. trop fort. Tellement balèze qu'il est meilleur que les humains. Quoi. Point fort, trop fort. C'est ça. Trop intelligent. Gros cerveau. Et depuis Disney, clairement, il s'est, de ce point de vue-là, il s'est un peu assagi, si on peut dire, mais il s'est ouvert aux femmes, les femmes qui ont gravi les échelons méritent. On a Sloan, rien que ça, déjà, c'est l'exemple même. Celle d'Henry Bell, D'Henry Bell, oui, également, oui. On a aussi des officiers. Tu penses à quoi, à Price? Oui, j'avais plus son nom. Alors, Price, c'est plus de l'opportunisme, je crois, si vous lisez. Oui, mais c'est quand même une femme qui a un gros poste. Hein. Oui, mais elle a su intriguer pour avoir sa place. Mais oui. Tu as coupé, Matt. Ah bon? Je suis désolé, il y a un souci chez moi. Ah, je crois qu'il t'entend. Oh merde. Attendez, stop. Attends. Mais non, mais ils t'entendent pas. Attendez. Ouais, il y a eu un souci. Ça a coupé quand? Ça a coupé quand tu parlais de Price. Ouais, je sais juste qu'elle a intrigué pour avoir sa place. Mais que c'est, mais il y en a plein qui ont fait ça. Hein. Ux aussi, enfin, etc. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas aussi entre guillemets scabreux que ce qui avait pu être fait auparavant. Mais oui, t'as raison, effectivement, c'est aussi un exemple. Après, il y a des personnages, des humains de couleur également, maintenant, depuis l'épisode 7. Avant, je sais plus. C'est vachement assagi, je sais plus où je voulais en venir. L'avantage, c'est que tu peux maintenant, plus facilement être fan de l'Empire, j'imagine. Enfin, je suppose que quand tu aimais Star Wars et que tu étais un peu bronzé, c'est un peu compliqué peut-être de s'identifier à l'Empire, je sais pas, ou en tout cas d'apprécier. Enfin, je sais pas comment dire. C'est possible de s'identifier à l'Empire. Non. Même être accepté en convention, peut-être, ça devait être compliqué si t'avais un costume, par exemple, ce genre de conneries. Enfin, ça le rend. Enfin, je Ok, d'accord. Jeu, en tout cas, il y a un truc dans le jeu, qui est un peu raté, c'est le fait justement qu'on voit pas trop les motivations des gens de l'Empire. Ça passe un peu à la trappe dans les discussions et tout. J'aimerais bien savoir pourquoi ils continuent après la mort de l'empereur à rester, à continuer à être parmi enfin, eux ils disent l'ordre, mais bon. Est-ce que t'es vraiment sûr de ça? Parce que moi, enfin, vois Von Reg, elle clairement, elle est là pour se venger parce que tout son escadron est mort. Shen, il est là parce que littéralement, il doit sa vie à l'Empire. Pas en fait, Shen surtout. C'est pas quoi faire d'autre. Ouais. Comment elle s'appelle? Sol, elle est là parce que c'est une fille de sénateur. D'ailleurs, tu vois bien à quel point en fait c'est pas forcément des gros imbéciles ou des méchants en fait l'escadron Titan, parce qu'en fait clairement Sol elle a des intentions qui sont bonnes à la base, tu vois, elle comprend juste pas à quel point l'Empire c'est un régime totalitaire. Et on avait déjà vu ça dans Resistance, ouais, où, comme avec Tam, ouais c'est ça, où Tam en fait elle part parce qu'elle pense vraiment que l'Empire c'est dans l'histoire des bons, quoi. Et Sol, c'est un peu pareil. Elle est... Genre, quand t'es parlé, je me dis, mais meuf, qu'est-ce que tu fous là? Elle veut rejoindre la Nouvelle République, parce que vraiment, c'est ce qu'ils veulent faire, en fait. C'est pareil, hein. Sloan, elle est persuadée que si la Nouvelle République prend le contrôle, enfin voilà, si l'Empire échoue, on va dire, la galaxie va sombrer dans le chaos. Alors, c'est une vision très de droite, hein, mais pour elle, l'Empire, c'est juste l'ordre. C'est juste empêcher que tout se pète la gueule. Éviter l'anarchie, en fait. Elle a pas de vision. Comme l'a dit un vieux sage un jour, The Empire improves everything it touches. Order, security, opportunity. Look around, Mandalorian. Je suis fan. I would like to see the baby. Pour pas le mal d'impériaux, même d'ailleurs. Grey, c'est comme ça que ça s'appelle, je crois. Grey, ouais. Un ancien flic, pareil, pour lui, l'Empire, bah, c'est l'ordre, quoi. Les rebelles, c'est les terroristes, c'est les anarchistes. C'est pour ça que j'ai bien aimé, comment il s'appelle celui qui change de. Le chef de l'autre escadron, celui qui trahit son camp, là, au début. Javes, Lyndon Javes. Ouais, moi, j'aime bien, parce que, ok, il y a l'ordre, et puis le jour, il faut un génocide, il fait ah ouais, bon, bah. L'ordre. Je vais changer de camp. Là, tout d'un coup, pour moi, ça devient logique, là, la motivation derrière. En vrai, regarde dans la vraie vie, je veux dire, regarde ce qui se passe en ce moment, et tous les gens qui sont prêts à supporter toutes les dérives du gouvernement, parce qu'il y a eu un attentat terroriste il y a 5 ans. Il y en a eu 2-3 même, mais enfin voilà, il y en a pas eu depuis, mais le truc reste là parce que les gens ils préfèrent le terrorisme d'État plutôt que le terrorisme machin truc. Alors tu vois ce que je veux dire, et du coup on a les révolutionnaires de maintenant qui veulent améliorer les choses, bah ils sont vus comme des terroristes et ils sont dépeints comme ça. Il n'y a pas besoin de chercher très loin pour les motivations des fascistes. C'est beaucoup d'insécurité venant de gens privilégiés. C'est pour ça que c'est intéressant qu'ils soient, que la plupart de ceux auxquels tu parles, genre, il y en a une, c'est une fille de sénatrice, l'autre, c'est une Von Reg, sachant que son fils, enfin, je suppose que c'est son fils parce qu'apparemment, c'est la dernière de sa famille. Après, c'est le baron Von Reg, ça doit être une famille de riches, enfin, peu importe, même si c'est pas son fils. Oui, c'est une grande dynastie à la base. Voilà, les Von Reg, c'est des riches, enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est des gens, c'est que des gens qui sont privilégiés, l'autre, il est flic, donc, J'apprécie d'autant plus la fille Sienar. Ouais, voilà. Même si elle veut construire des étoiles de la mort et que ça, c'est un peu craignos, mais ouais. J'ai bien aimé ça. Elle est class conscious, tu vois. C'est un social traître, mais de l'autre côté. On est les gentils. Oui, c'est ça. Ah oui, c'est pas dit ça, non. mais voilà, c'est pour ça. Je trouve ça intéressant. C'est très, très. De côté, tu vois, c'est parce que ils sont là pas spécialement pour raconter une histoire, mais pour ce qu'il y a, c'est comme Solo. Il n'y a pas énormément de trucs politiques dans Solo, mais ce qu'ils disent, c'est juste et ça passe, je trouve. C'est bien dilué, c'est bien amené, pareil. Comme là, on parle de la fille de sénateur, elle, c'est pas l'ordre, tout ça, c'est redonner du pouvoir à sa famille. Ouais. Sa petite famille. Cherche, hein, simplement, on disait, l'empereur a dissous le Sénat, c'est un peu chaud. Si on remettait le Sénat, l'Empire, il pourrait l'en faire, ça serait bien. ils ont leurs intérêts et clairement, ils sont de l'autre côté de la barrière de que les rebelles, quoi, que le Vanguard. Mais moi, je trouve ça super cool, c'est juste bien amené, en fait. Il en faut pas beaucoup plus. Je me suis souvenu d'un truc que je voulais juste dire rapidement. L'accent british, bah, ça, c'est parce qu'il... En fait, Lucas, il voulait un accent différent pour les impériaux, leur donner un petit côté un petit peu guindé. Ça a été conservé, maintenant, les impériaux ont cet accent. Et simplement, ils le chopent, en fait, à l'académie. Et les studios oui, étaient à Londres aussi. c'est pour ça, ils avaient des gens locaux. De la marine, de l'Empire, c'est vraiment voilà, un truc... Ouais, c'est ça. Oui, c'est devenu la marque de l'Empire dans Star Wars. C'est l'accent impérial. Bah, du coup, c'est l'accent british en réalité. Et ouais, ils peuvent venir de 15 000 planètes différentes. Il n'y a pas une planète anglaise qui parle. C'est l'espace, Peter Cushing. Ah, bref, on va passer au sujet qui fâche, parce que Adrien, avant l'émission, il a dit qu'il avait des trucs à dire, et du coup, je vais lui laisser la parole. Parce qu'on a fait un peu le tour de tout, là, et puis je pense que c'est le bon moment pour laisser le rageux discuter un petit peu. Un dernier truc sur l'Empire que j'ai pas compris. Oh. Vas-y. Vous allez peut-être pouvoir me dire, non, mais vraiment, c'est une question. J'ai lu quand il y a des gens qui trouvaient que c'était édulcoré, la partie Empire. Ouais, alors que dans la première mission, tu tues des migrants. C'est vrai que c'est édulcoré. En vrai, c'est pas tellement édulcoré. Genre, t'as une mission où t'as dit. Moi, dans la mission que j'ai faite tout à l'heure, c'est pareil, t'as des espèces de corvettes qui sont en train de se barrer. Et en objectif optionnel, t'as détruire les corvettes qui se barrent. Bah ouais. Soit tu peux te casser, soit tu peux finir de détruire les trucs. Mais concrètement. Sur quoi ils se basent pour dire ça que c'était light ou édulcoré? Parce que moi, je suis pas. En vrai, oui, parce que Disney, comme on l'a dit tout à l'heure, ils essayent un peu de s'éloigner de l'imagerie empire égale nazi. Donc, du coup, ils font peut-être moins de trucs vénères, mais en même temps, Star Wars, ben, c'est pour les enfants, quoi. Donc, ça, vraiment. Ça m'énerve. Là, j'ai dégommé des missiles pour éviter qu'ils détruisent des vaisseaux qui ont fini par être détruits quand même par mon escadron à la fin. Enfin, il y a des choses, Pierre, plus tard, qui sont un peu adoucies concernant les missions de l'Empire. Il y a bien une mission à laquelle je pense où effectivement ils disent on va détruire ces trucs, oh, mais il n'y a personne dedans, vous inquiétez pas, tu vois. Où effectivement, je pense qu'il a suffi de ça pour. Parce que moi j'ai lu effectivement des journalistes qui parlaient de ça, de fait que c'était édulcoré, en faisant référence à un truc où ils disaient non, mais vous inquiétez pas, ces vaisseaux sont vides. Et effectivement, il y a une scène où il y a ça. Mais ça veut dire que. Au moment où dans la première mission, on doit détruire des réfugiés d'une planète que notre propre camp vient d'exploser. Je vois pas trop en quoi c'est ouais, édulcoré. C'est les mecs, littéralement, la première mission du jeu, c'est de couler les bateaux de migrants dans la Méditerranée. Je veux dire, ouais. En quoi c'est édulcoré? À la fin, ils sont très gentils et puis ils laissent les gentils gagner. Et là, en plus, c'est pas édulcoré. Je veux dire, c'est littéralement la mission bute les gens. Faire plus. L'immigration en ce moment, c'est un sujet encore plus chaud qu'il y a 40 ans quand ils ont fait les films. C'était la première mission, c'est quand même chaud quoi, ce que tu fais. Alors, effectivement, tu peux. La mission, le prologue, il finit d'une certaine façon, je ne sais pas si on peut raconter, mais qui fait que ça, c'est pas, peut-être pas forcément aussi trash que ça aurait pu l'être, mais. Dans l'idée, quoi, je veux dire, les mecs, ils sont comme ça. Quoi. Ça te pose les bases, quoi. Ouais, quoi. Non, cette approche des réfugiés d'Alderaan, je ne l'ai jamais vu comme ça. J'ai trouvé ça super cool. C'est horrible. Pour du mémorial, cool. De ça, des réfugiés qui ont un peu une nation qui n'en est plus une. Quoi. Ils ont un vaisseau mère, ce genre de choses. Ils habitent un peu tous. Hein. Il y a tout un délire autour de ça, mais cet aspect exode, comme ça, extermination des réfugiés, c'est la première fois que je vois aborder. J'ai trouvé ça plutôt intéressant. C'est pour ça que j'ai pas compris trop le. Après, chacun interprète aussi les histoires comme ouais. Le sens. C'est vrai que l'Empire, on pourrait penser qu'il soit plus direct, genre on va buter tout le monde, tous ceux qui ont des thèses, etc. Mais ils le disent pas forcément dans les actes qu'ils font, c'est qu'ils veulent buter des réfugiés d'une planète qui vient d'exploser. Donc, j'ai pas besoin de plus pour savoir que je suis du côté des méchants, quoi. C'est pas comme ça que ça marche aussi dans la vie. C'est pour ça qu'il y a autant de gens qui suivent des nazis et des trucs comme ça. C'est parce que c'est jamais présenté en mode « Oh, on va tuer des gens innocents !» C'est toujours présenté en mode « C'est eux les connards !» Et la seule solution, c'est de s'en débarrasser parce que sinon, ils vont vous empêcher de vivre et d'élever vos enfants, tu vois. Ouais. Ils vont nous forcer à faire des mariages gays alors qu'on l'est pas, tu sais. Ce genre de merde. Il va devenir gay à force de voir des gars. Ouais, c'est ça. bref. Et là, le gars, je le vois. Souvenez-vous, il y a 5 minutes, je disais qu'on allait passer laisser Adrien. donc Adrien, il avait dit qu'il allait défoncer le jeu, donc je le laisse faire. Alors. Faut savoir que c'est un jeu sur lequel, je suis désolé, mais quand je joue tout seul, je m'ennuie un peu. Dans le sens où, alors attendez, ce que je vais dire, c'est quand même purement personnel. J'aime pas les jeux de vaisseaux. Et en fait, j'aime pas. C'est pas mon jeu, type de jeu préféré, quoi. Et en fin de compte, de quoi ? Tout s'explique alors. Oui, voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'en fait, c'est quelque chose d'assez personnel. Hein. Je me suis rendu compte, je savais déjà un peu avant, mais là, je me suis vraiment rendu compte que ce qui fait que j'aime Star Wars, c'est pas les vaisseaux, c'est pas les batailles, c'est pas l'architecture ou quoi. C'est vraiment un tout, c'est vraiment presque une aventure. Moi, c'est ça que j'aime et tout ça. Et en fin de compte, c'est pas ce que j'ai vu là. C'est pas ce que moi j'aurais voulu avoir, même si encore une fois j'ai pas du tout été trompé par la marchandise, parce que honnêtement j'en attendais pas beaucoup plus, et concrètement le jeu t'apporte ce qu'il a dit qu'il allait t'apporter. Le truc c'est que c'est purement personnel. Moi les jeux de vaisseau ça me botte pas tellement, même si j'aime beaucoup les personnages, je pense notamment à l'escadron Vanguard que moi je trouve génial. J'aime vraiment tous les personnages, ils ont tous, même ceux dont on n'a pas parlé, hein, je pense à Grace ou Zerelda que j'aime beaucoup aussi, qui sont quand même assez drôles. J'aime vraiment les personnages, en fin de compte c'est ça Star Wars pour moi. C'est pas juste des vaisseaux, c'est ma manière d'apprendre la chose, mais ouais. En fait il te faut Jedi Fallen Order 2, quoi. Non, parce que j'aime pas les Jedi non plus, tu vois. Il te faut quoi, un MMO, un Star Wars Galaxy? Ce serait bien. Faites-moi un jeu des Sims dans Star Wars et ça m'ira. Mais c'est les Sims 4, il vient de sortir. Ouais, mais c'est pas bien. Mais en vrai, je rigole, parce que vraiment, je passe un bon temps. Et puis, comme on a dit plus tôt, ça reste Star Wars. Il y a des références, tout ça. Mais je suis comme un gosse dedans, je suis trop content. Moi, je te conseille d'essayer si tu peux choper un masque. Non, pas un masque, un casque VR, de faire Vader immortal. Franchement, tu vas kiffer. Ouais, mais faudrait que j'essaie de voir. Je vais commencer à regarder des let's play. T'es dans l'univers, quoi. T'es vraiment dans l'univers. Oui, t'as un peu tout et c'est juste une aventure. Donc ça dure pas non plus des plombes. T'en as pour 5-6 heures à tout. Mais t'es vraiment dans Star Wars pendant 5 heures, quoi. C'est vraiment sympa. Ça, c'est beau. Et en vrai, moi, c'est ce que j'ai reçu un petit peu avec le solo de Squadron, ce que j'ai pas encore fini d'ailleurs. Mais en vrai, peut-être j'aurais préféré quelque chose d'un peu plus, relationship centered, dans le sens où j'aurais peut-être mieux aimé m'attacher. En fait, j'aurais préféré voir un film, en fait. Bah, écoute, il y a Star Wars 9 qui est sorti il y a moins d'un an. Oh là, non, il est pas sorti, il est repoussé, on a dit. Il est pas sorti. Ouais. Mais en vrai, donc j'aime quand même beaucoup quand on vient me demander de jouer ou quoi, avec grand plaisir, je viens jouer avec vous, il y a aucun problème. Mais le problème, c'est que moi, c'est pas mon type de jeu. Et après, c'est purement personnel. Et aussi, j'ai pas compris pourquoi les protagonistes dans le mode solo, alors que vraiment, ils servent à rien. J'aurais préféré qu'on joue en fait l'escadron et qu'on joue pas quelqu'un de random qui peut même pas parler. Si, il dit aïe des fois. Avec les pauses dans les dialogues. non mais tu vois, c'est. En fait, ce qui est con, c'est qu'ils ont mis tellement de... Je trouve que les personnages sont bien écrits, les dialogues sont plutôt cool et tout, et ton personnage, c'est une huître, quoi. Je suis obligé de parler tout seul devant mon écran. J'aime pas les blancs qu'il y a dans la conversation, ils font me stress, quoi. C'est Dora l'exploratrice, quoi, tu dois répondre. Ils ont voulu faire un truc où tu te mets à la place du personnage, mais moi aussi, j'aurais préféré avoir une vraie identité, quoi, avoir un nouveau personnage de l'univers Star Wars, etc. Ils ont fait un choix que, je suis pas non plus, je suis comme toi, quoi. Ils auraient peut-être dû. Je pense qu'ils ont fait ça juste pour que t'aies ton avatar Tu sais que tu es ton avatar dans le multi, mais ils auraient vraiment, non, ils auraient pu faire les deux. Non, mais justement, mais si, ils auraient pu faire ça et en même temps avoir un vrai perso. C'est comme Jedi Fallen Order, ils avaient hésité un moment à faire soit tu choisis, il y avait des gens qui avaient gueulé, ouais, mais justement, on peut pas faire ce qu'on veut. Mais justement, Cal, c'est un personnage de Star Wars qui pourra revenir, etc. Et là, je trouve que c'est ce qui manque, un vrai personnage central, ouais. Quoi. Ouais. Alors, en parlant de ça, il va falloir parler de l'éditeur de personnages. Oh, ouais. Il y a des choses très bien et il y a des choses que j'ai pas compris. Ouais, il y a pas, enfin, il y a pas grand chose à faire, mais en même temps, j'ai envie de dire, qu'est-ce que tu voudrais de plus en fait? En soi, c'est vrai que c'est pas déjà hyper utile, avoir un petit peu en multi, c'est rigolo à la fin. Le problème, c'est vraiment pour moi les têtes pré-établies, quoi. Enfin, ça limite énormément les possibilités. Bah, peut-être qu'ils avaient pas le temps de passer leur temps à configurer un créateur de tronches pour des tronches que personne ne verra jamais. Ouais, qu'on voit presque jamais à part dans le. Pour le coup, il y a plus de casques différents et c'est mieux. C'est vrai qu'il y a pas mal de casques, c'est déjà ça. Mais c'est plus important les casques que les visages au final dans le jeu. Enfin, je trouve. Même des choses très basiques, hein. Je parle pas forcément de jouer sur les traits, mais je ne sais pas, la pilosité, des bêtises. Hein, plus de race alien en fait. Même plus de race alien. Alors ça ils auraient pu, ouais. Aussi, mais oui, ça, ils auraient pu, clairement. Il n'y en a que 3 ou 4, je crois. Et elles sont même pas là dès le début. Oui, il faut les acheter avec de l'argent in-game. Ouais. Il y en a 3, non, 4, 4, ouais. 4, ouais, il y a même pas une ligne complète. Alien, par exemple, alors qu'il y en a un en solo. Ouais, non, mais il y a plusieurs... C'est à la fois, effectivement, on s'en fiche un petit peu au final, mais je sais pas, c'est, sur le coup, c'est assez perturbant. Quoi. Quand tu commences le jeu, tu dis, tiens, c'est bizarre. Tu comprends si tu dois choisir un personnage, en fait, ou créer un personnage. C'est ça, le truc. Je sais pas si d'ailleurs, au niveau représentation, dont on n'a pas parlé, c'est que dans le jeu, tu peux prendre n'importe quelle tête, avec n'importe quel corps, avec n'importe quelle voix. Oui, ça, c'est trop bien. C'est ça que je veux dire, c'est que dans les points positifs, il y a ça, oui, clairement. Et c'est pas genré, ils te disent pas c'est un perso féminin ou c'est un truc. Ils disent pas c'est un corps féminin ou un corps masculin, tu vois, t'as deux types de corps avec des formes différentes, mais ils te disent pas corps femme, voix femme. Même les voix sont pas genrées, il y a marqué c'est par leur. Ça décrit un peu le type de voix, genre t'as la voix du bleu, t'as bleu 1, bleu 2, tu vois. Oui, dans le genre. Il y a frimeur et frimeuse, par exemple. C'est ouais. Un peu genre. Mais ça s'arrête là, quoi. Ouais, mais j'imagine qu'en anglais, il n'y avait pas. C'est AB. Oui, en anglais, c'est machin truc A, machin truc B, machin truc A, machin truc B. Oui, voilà, parce que moi, je l'ai en anglais, et du coup, oui, il c'est A ou B, c'est pas genre. Je sais pas. Bah, frimeur, frimeuse. female, rogue male, tu vois, c'est rogue A, rogue B. Ah, c'est con qu'ils aient pas fait ça en français. Ouais, on a encore des lacunes là-dessus. Ouais. Mais au moins, ils ont mis les pronoms neutres, et ça, c'est déjà un gros truc, parce que les Français ont cette manie d'effacer les personnages trans des livres et des genres de trucs. Voilà. Et du coup, t'avais d'autres trucs par rapport à ça, Matouille ? Non. Bah, par contre, non, je crois que c'est bon pour moi. Mais on peut dire aussi... On personnalise beaucoup le vaisseau au final à côté. Ouais. Le vaisseau, casque, tout ça, donc ça compense peut-être. Non, sur le coup, ça m'a paru vraiment bizarre ce coup des têtes, des presets un peu au niveau des tronches. Je savais pas si j'allais choisir un personnage ou un perso ou créer un perso et est-ce que ça allait influer quelque chose derrière. D'ailleurs, même le nom que tu donnes au personnage, il sert à rien parce que dans le multi, c'est ton nom, peu importe, c'est ton pseudo qui se met. C'est dans le solo où il y a le nom de ton perso. Ouais, ouais. Dans les sous-titres. Ouais. Mais ouais, ça fait partie des critiques qui sont légitimes, mais tu vois, il y a quand même une réponse logique à peu près tout. Genre, pourquoi s'emmerder à faire un truc super complet pour le personnage alors que tu peux le... Enfin, tu le vois jamais. Et en même temps, bah du coup, pourquoi ils ont pas fait vraiment des escadrons complets et puis... Tour à tour, tu joues chaque membre et ça aurait été beaucoup plus logique. Ça a l'avantage que ce truc comme ça a l'avantage qu'il te propose pas juste un personnage déjà tout fait avec du coup le fait de quelle couleur de peau on lui met de base, quel genre ou quel type de corps on lui met, etc. Ça a l'avantage de proposer un peu de diversité et un peu de représentation. Et en même temps, ils n'allaient pas le pousser plus parce que voilà, au final, ça changerait l'apparence de perso. Donc, mais c'est bien de pas avoir forcé un perso blanc avec les cheveux blonds roux, peu charismatique. Donc ouais, je pense que c'était pour trouver le bon milieu entre les deux et ça va. C'est vrai que toujours faire plus, mais en même temps, voilà, ça, c'est pas grand-chose personnalité. C'est peut-être ce que j'ai. Vous me dites ce que vous en pensez. Je pense à Pierre, mais un peu tout le monde. Mais peut-être qu'ils étaient partis avec de plus grosses ambitions. Comme tu disais, Pierre, ils pensaient faire une route de dialogue, plus d'interactions avec les personnages. Alors, peut-être qu'ils avaient prévu pas mal de choses en plus et qu'ils ont sabré un petit peu, bah, pas au fur et à mesure, mais ils ont sabré pas mal de trucs. Et l'éditeur de perso est resté, voire a été simplifié par rapport moi, à. J'ai demandé l'autorisation pour faire une interview des créateurs du jeu parce que je me pose des questions de ce genre-là. Mais quand les jeux viennent de sortir, c'est toujours super compliqué d'avoir des réponses. Donc, c'est vrai que c'est des questions que je me pose sur quel a été le parcours du jeu pour qu'il reste des choses qui semblent d'un autre jeu presque des fois. Ou alors c'est comme pour First Assault, là, le dernier jeu qu'ils ont annulé quand c'était encore LucasArts, en même temps que 13-13, où c'était un prototype d'un vrai Battlefront 3 à l'époque, où ils n'avaient fait qu'une partie. Et je me demande si en fait c'est pas justement l'espèce de prototype d'un plus gros jeu, plus ambitieux, qu'ils veulent faire, mais ils attendaient de voir si celui-là marche pour le sortir. Oui. Enfin, pour le faire. Ouais. J'ai vraiment l'impression que c'est un galop d'essai, quoi. Enfin, un test. Après, moi, clairement, Adrien, il aime pas le jeu pour des raisons tout à fait. Moi, je comprends tout à fait. C'est comme ça serait comme pour moi un jeu de combat ou un MMO. Je m'y forcerais à y jouer, mais ça serait pas mon truc. Là, c'est vraiment mon truc. Et moi, ce que je regrette, enfin, moi, je joue pas trop online. Je vais y jouer un petit peu, mais je sais que je vais pas y jouer très très longtemps. Mais non, ce que je regrette, c'est que moi, j'aurais aimé, tu vois, une campagne comme X-Wing qui va me durer 30 heures, quoi. Pour une fois que j'aime les jeux longs, c'est ce genre de jeu. Et j'espère justement qu'il y aura un Squadron 2 ou un autre jeu de ce type-là, quoi. Ou avec un vrai mode solo plus compliqué, quoi. Ça deviendrait répétitif 30 heures quand même. Non, t'inquiète, X-Wing, en tout, si tu prends tout, ça doit faire 200 ou 300 heures si tu prends tous les X-Wing. C'était pas forcément répétitif. Non, si tu prends tous les jeux. De ce que j'avais compris, Grushkov, tu disais qu'ils avaient dû aussi un peu batailler pour avoir le droit de faire un jeu comme ils voulaient. Bah, Oui, voilà, donc ça se trouve, ils ont dû faire des compromis et puis ils ont eu un budget moindre et tout parce que. Ils voulaient faire un jeu vraiment de passion et ils sont à fond sur le fric. Et eux, ils ont réussi à négocier pour avoir un peu leur jeu en se détachant de toutes les merdes de microtransactions et de DLC qui coûtent le prix du jeu. Quand je vois les dates et tout, j'ai l'impression que c'est un jeu que EA a laissé faire parce que justement Battlefront 2 a été très mal reçu au tout début, surtout avec l'histoire des microtransactions, etc. Et les mecs qui ont travaillé sur le jeu, c'est les gars qui ont aussi travaillé sur le mode Starfighter Assault et qui ont dit on aimerait bien faire un jeu plus, enfin de ce genre-là, mais plus genre X-Wing qu'un jeu à l'ancienne, quoi. Oui, mais je pense qu'ils ont dû quand même. Comme par hasard, ça tombe au même moment où ils sont pris où tout le monde disait EA, c'est fini, ils ne feront pas de jeu Star Wars super sympa, ça a changé depuis Jedi Fallen Order, mais j'ai l'impression que c'est un peu un jeu qu'ils ont fait ok, on laisse, on va voir ce que ça marche, on vous fait confiance, mais c'est pas ce qu'on aurait fait nous, tu vois, la direction d'EA. Je pense qu'ils ont quand même, enfin ils ont laissé faire, ça c'est sûr, parce qu'il n'y aurait pas eu autant de, il n'y aurait pas eu des persos non binaires ou ce genre de bonnes choses s'il y avait eu le contrôle total. Mais je pense que du coup ils leur ont peut-être, tu vois, pas mis un trop gros budget. Ils leur ont dit ok, vous essayez votre petit truc, mais tu vois, genre des limitations dans ce genre-là, pas sur le truc créatif justement. Je pense qu'ils ont négocié en mode nous on fait un jeu. Et vous nous laissez la liberté créative. Et EA fait ok, mais dans ce cas-là, on met quelques trucs, genre, faut que le jeu dure tant de temps, faut qu'il y ait pas trop, enfin, tel budget. J'imagine qu'ils ont du coup contrebalancé sur un aspect. Il y a des assets du jeu qui sont repris de Battlefront 2, qui sont pris de Death and Order. Globalement, ce genre de jeu, ça demande finalement beaucoup moins de moyens. Il y a beaucoup moins de gens qui bossent dessus, puisque. t'as quoi, t'as la salle de briefing, le hangar, et après l'espace, c'est beaucoup de trucs qui sont copiés-collés avec une planète, etc. Ça demande beaucoup moins que Jedi Fallen Order où une planète seulement, c'était un travail de malade pour construire tout, pour tout faire, etc. Puis plus les dialogues, c'est pas le même level design. Hein. Pas du tout. Non, mais c'est pas du tout les mêmes moyens finalement derrière. C'est pour ça qu'il a celui-là, ils l'ont fait en 2 ans et demi. Hein. C'est pas. Bah ouais, c'est ce que je disais. Oui. Et c'est pour ça que si les ventes sont bonnes, on a moyen d'avoir très très vite, genre en moins d'un an, une suite. Hein. Ouais, je pense c'est pour ça que c'est peut-être pour ça que, enfin moi je suis beaucoup plus optimiste que la plupart des gens. Beaucoup de monde qui voudrait que ce jeu-là reçoive plus de support. Moi je me dis pourquoi pas deux suites pour couvrir les 3 époques de la saga, tu vois, et avoir du coup à chaque fois un jeu petit, mais voilà, tu peux switcher entre les 3. Sur 3 ans de temps, ils peuvent carrément faire une petite trilogie de jeux Squadrons avec Squadrons la trilogie originale, Squadrons la Clone Wars, Squadrons après Last Jedi. Pour pas dire Star Wars 9. Non, plus jamais je dis ça. Mais non, mais entre les deux, il y a moyen d'avoir des trucs. Ils ont plus que 2 ans et demi. Hein. Ils ont plus que 2 ans et demi pour faire des jeux, donc. Non, mais je veux dire, s'ils font des jeux courts comme ça et qu'ils reprennent la même base, le même moteur, machin, truc. Bah là, avec la même équipe et tout, oui, ils peuvent sortir un jeu sous 1 an, même si je suis pas sûr que ce soit. Bah, genre, un an et demi. Mais. Bah, moi, je mettrais 2 ans entre chaque jeu, quoi. 2 ans, ça me paraît long pour des petits jeux comme ça. Ouais, mais justement, pour pas avoir. De pas se taper, justement, les. Ouais, ils font un jeu comme Call of Duty, un par an, machin, où ils copient tout. Je pense qu'il faut. Ouais, mais c'est beaucoup plus facile de finir. Pour alterner. Moi, je vois bien un autre squadron avant qu'il perde la licence en 2023, quoi. Ouais. Ouais, c'est sûr. J'espère qu'il y en aura au moins un autre, quoi. Et ça, c'est possible. Et oui, voilà, on en vient encore à l'avenir. Qu'est-ce que vous pensez qu'il devrait faire? Qu'est-ce que vous voudriez qu'il fasse? Parce que j'ai dit, oui, bon, ils nous ont donné ce qu'ils avaient promis. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, comme je disais, qui voudraient plus de support. Matt, je sais, par exemple, que... Alors moi, je suis pas contre. Et toi, tu aimerais bien qu'il y ait des DLC pour rajouter des vaisseaux, des maps. Il y en aura... Je me rends compte par contre que je parle depuis 10 minutes tout seul, que j'essaie d'intervenir et que j'avais coupé le micro. putain. J'ai vu pour la pièce. C'est quoi ce que t'as dit le plus intéressant depuis le début, hein, pourtant. Merci. Mais je me demandais juste, si, à ton avis Pierre, si c'est pas aussi parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas sorti grand chose avec la licence à un moment donné, qu'ils n'avaient rien de précis dans les cartons et qu'il fallait sortir un Star Wars assez vite. Mais les mecs sont venus avec leur projet, c'était du pain béni, ils se sont dit bon, on va vous filer un petit budget, on va tester tenter le truc et puis allez-y quoi. Oui, parce que vu les différends qu'ils avaient eu avec Disney et tout, je pense qu'ils se sont dit on risque de se faire prendre notre licence, et donc ils se sont dépêchés de sortir un petit truc comme ça en laissant un peu le champ libre pour profiter des dernières années où ils ont la licence, quoi. Ah oui, c'est clair, de toute façon c'est les mêmes, c'est pas les mêmes qui ont acheté la licence il y a 10 ans, enfin il y a 7 ans et maintenant c'est plus la même équipe. Je pense que les mecs qui sont arrivés après, ils ont fait qu'est-ce que vous avez foutu, eux on les laisse faire Jedi Fallen Order, vous voulez faire un jeu de spatial, ok, on va regarder les sondages, ok, quelqu'un veut un jeu KOTOR, bon bah on va faire un jeu KOTOR, tu vois, ils vont faire des trucs comme ça, quoi. Maintenant il suffit de faire une moi je vois, pour tous les gens qui croient que je suis compte officiel et qui m'insultent pour rien, très mal vu en tout cas avant que Battlefront 2 ait repris le dessus au niveau qualité, et puis Jedi Fallen Order et Squadron, qui sont tous les deux, je trouve, des plutôt des bons jeux, il y a une très mauvaise image, et je pense qu'ils ont fait des sondages, ils ont fait, ouais, bon, bah, il faut quand même qu'on redore un peu l'image, parce que Disney va jamais accepter qu'on continue le contrat si on fait pas des jeux, déjà, de la thune. Et ouais. Qui pourrait reprendre la franchise après? Ah bah moi, il n'y a pas, personne. Il ne faut pas la filer à un seul éditeur. Mais oui, c'est ça. Il faut faire ce que faisait Lucasfilm. Il filait à BioWare, il filait à Factor 5. En fait, il filait à podcast, ça fait. Non, il faut filer. Enfin, voilà, un studio vient de voir. Bonjour, monsieur Disney, je voudrais faire un jeu Star Wars. Non, mais c'est con. Cool, monsieur Disney. Mais oui, mais c'est exactement ça qu'il faut faire. Tu leur filais le truc et ils disaient ouais, ok ou non, quoi. Mais là, le pire, c'est qu'il y en a plus. Ils ne pourraient pas créer leur propre édition, enfin, leur propre. Parce que Disney, ils ont des mauvaises expériences au niveau jeu vidéo. Ils ne savent, savent pas faire du jeu vidéo. Ils ne savent pas éditer du jeu vidéo. En achetant des développeurs, tu vois, comme fait. Non, mais c'est l'édition qu'ils ne savent pas faire. Non, mais le mec qui est super bon, enfin, qui est super bon pour un comme en tant que capitaliste, qui a vachement étendu Disney, Robert Iger, il a décidé un jour, il a dit ouais, on perd de l'argent avec les jeux, on est nul. Donc on les vend tous, et puis c'était au moment où ils ont acheté Lucasfilm, donc ils sont débarrassés de LucasArts. Mais en fait c'est con, parce qu'il suffirait juste de mettre les bonnes personnes, de faire un vrai département jeux vidéo, il serait tout à fait capable de le faire. C'est juste que le mec, il a décidé, on fait pas de jeux vidéo, c'est pas notre truc. Parce que avait chié dans l'école à une époque avec Epic Mickey, je crois. Enfin, ça avait pas marché comme ils voulaient, pas assez bien. Et du coup, ils ont dit, bah nous, on fait plus de jeux vidéo, on va confier ça à quelqu'un d'autre, on va vendre la licence, on sera dublé comme ça. Mais en même temps, je peux comprendre, quoi. C'est juste que c'est dommage d'avoir perdu certaines choses. C'est une expérience, on va dire. Le plus dommage, c'est d'avoir, voilà, c'est de pas avoir gardé un département qui va gérer l'octroi de la licence. Après, la cohérence du truc, quoi. Il y a Lucasfilm qui fait ça, par exemple, pour les Star Wars. Ils ont un vrai département Lucasfilm Games où les gars, ils surveillent tout. L'intermédiaire, c'est EA, je veux dire. Alors qu'à l'époque, LucasArts, il bossait avec, je sais pas, Pandemic d'un côté, avec Factor 5 de l'autre. Fin... Finalement, c'est la même chose. La grosse différence maintenant, c'est qu'à Lucasfilm, ils n'ont plus de vrai département, on va dire, production, qui s'occupait de co-développer les jeux. Parce que à chaque fois, on dit, par exemple, KOTOR ou Rogue Squadron, c'est des jeux qui sont plutôt faits par Factor 5 ou BioWare, mais en fait, ça a toujours été un travail plutôt fusionnel, où il y a ceux qui faisaient les concept art, par exemple, et l'histoire, c'était tout le temps LucasArts. Là, en ce moment, le département LucasArts, Lucasfilm Games, c'est plus voilà ce qu'on peut faire pour que ce soit canon, et si, prenez ce vaisseau de Rogue One, ce personnage-là, ça serait pas mal, mais ils sont plus dans la même démarche, on va dire, artistique à fond, comme a été LucasArts, où ils avaient vraiment un... LucasArts, c'était un jeu LucasArts, ça restait les mecs à l'intérieur qui participaient à Rogue Squadron, à KOTOR, etc. Là, ils participent, mais plus en tant que consultant, on va dire, ou grand conseiller, pas... Mais ils sont à fond dedans, ils sont quand même, moi je discute quasiment tous les jours avec plusieurs, ils surveillent vachement. Ce type de position, ils ont un veto. C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont le temps, ils ont le temps de bosser sur les jeux vidéo, je veux dire, pendant 2 ans, là, ils n'avaient pas accès à l'épisode 9, je veux dire, ils pouvaient s'occuper des autres projets. Ils avaient le story group. Ils ont des gens qui bossent que sur les jeux vidéo, ils ne bossent pas sur autre chose. Ils bossent, je plaisante. Juste pour... C'est pas marrant. La consistance des connexions transmédia qu'il y a dans ce jeu, c'est un boulot du groupe, justement, ou c'est juste que les mecs, c'est quand même des gros fans. Non, c'est le groupe. Hein. T'as à la fois les mecs, c'est des fans comme nous. Hein. Franchement, c'est des mecs, c'est les mêmes. J'ai discuté avec le lead game designer. Le mec, c'est le même que nous. Il pourrait participer au podcast et tout. Il s'y connaît à fond. Mais après, t'as quand même le story group. T'as Matt Martin, par exemple, qui a bossé sur le jeu, qui est là à proposer il y a ce personnage avec un t-shirt dans l'épisode machin. Enfin, tu vois, ils sont là, mais vous je sais pas si vous avez vu le documentaire sur Jedi Fallen Order. On voyait Matt Martin et tout. Ils voulaient vachement participer, mais c'est ça l'esprit en fait de la création en ce moment. Ils sont là pour les aider et à poser des vétos quand ça va pas par rapport à l'idée qu'ils se font de Star Wars. Mais sinon, ça reste les game designers sont plutôt libres de faire ce qu'ils veulent à condition de respecter. Et tout est vérifié par contre. C'est ça le problème, c'est qu'en fait, comme c'est un jeu à licence, et ils sont obligés tout le temps d'envoyer des documents, de vérifier chaque coupe de cheveux, chaque vaisseau, machin. C'est un peu l'aspect relou, mais visiblement, les gars qui travaillent là, ils sont plutôt contents pour l'instant. Et ils chercheraient pas un junior game designer On voit ça à Motiv, à Vancouver. Ils ont pas un bureau à Londres. À Londres, il y a LM et Lucasfilm, remarque. Hein. Ouais, mais c'est pas des game designers. Bref, tout ça pour dire. Mais ma vraie question, c'était pas par rapport à l'avenir des jeux Disney en général, mais alors même si c'était super intéressant, c'est pour ça que j'ai laissé. Mais qu'est-ce que vous pensez qu'ils devraient faire? Plutôt faire du support sur celui-là alors que c'était pas prévu? Ou alors continuer à faire d'autres jeux du même style mais à d'autres époques? Ou carrément juste une suite à celui-là? Parce que je suis pas allé jusqu'au bout, mais il me semble que ça va même pas jusqu'à la bataille de Jakku. On a tous pensé que c'était jusqu'à Jakku, donc moi j'y ai pensé aussi. Il me semble, hein, je sais pas, je veux pas spoiler ou quoi que ce soit, mais il me semble qu'il y a vraiment moyen de continuer même juste une suite à celui-là. Qu'est-ce que vous préféreriez ? Qu'est-ce qui vous donnerait envie ? Est-ce que Adrien, toi, tu aimerais jouer à d'autres jeux comme ça ou pour être avec nous ou pas ? Ah, mais bien sûr que oui, bien sûr que oui. Je veux dire, je grogne, enfin je grogne même pas. Je dis juste que c'est pas mon type de jeu préféré, mais en vrai, je passe un bon moment quand j'y joue. Et c'est indéniable que tous les futurs jeux Star Wars, je vais les acheter parce que c'est Star Wars et parce que je suis trop nul. Mais voilà, c'est vraiment que voilà, je c'est pas mon type de jeu, mais bien sûr, s'ils annoncent une suite de Squadrons. Mais je vais être le premier à le précommander comme un con, quoi. J'imagine déjà la pub, la promo, quoi. Si vous aimez Star Wars et que vous êtes trop nul, achetez Squadron. Moi, je trouvais que ton idée de faire sur les différentes époques, elle est pas mal. Enfin, moi, ça me plairait bien. Moi, de toute façon, je suis pas compliqué. En janvier, il y a une nouvelle période qui va bientôt arriver d'ailleurs. Mais oui, mais ça, c'est ça que j'aimerais, un jeu comme X-Wing ou comme Squadron, oui. On va dire, en High Republic. Putain, alors là, je kifferais. Mais oui, avec des vieux vaisseaux tout. Ils sont moches, les vaisseaux de la Nouvelle République, je trouve, mais bon. On n'en a pas vu beaucoup pour l'instant. On en a vu un, il est dégueulasse. Ben attends, c'est un vaisseau, à mon avis, ils seront tous super beaux en or massif. Non, mais surtout, moi, j'ai envie de jouer les Knights, ça va être grave stylé. Non mais avec leur vaisseau du passé là, des morceaux de je sais pas quoi de partout, je suis sûr qu'ils sont grave stylés leur vaisseau. Ok, moi je vais dans Starlight Beacon et je vous donne des ordres. Alors toi tu vas en mission là-bas, toi tu vas en mission là-bas. Matt en fait je suis là. Ah d'accord. Attends, oui je suis là. Moi je pense qu'il devrait faire un petit peu de suivi sur celui-ci quand même. Que même si, ouais. Alors, du suivi en attendant une suite, mais pas beaucoup, hein, juste un mode ou deux, un mode de jeu ou deux, quelques maps, ouais. Pas plus. Un B-Wing peut-être, allez. Ça dépend, si c'est une suite, mettez le B-Wing dans la suite. Argument promotionnel, et parfois la pièce Squadron 2. B-Wing. Mais là, globalement, tu me donnes, je sais pas, les 4-5 maps de plus, éventuellement le solo en coop et un ou deux modes de jeu, je suis content. Je tiens 2 ans facile. Là, dans l'immédiat, je pense qu'il va vite s'épuiser quand même. Avec le contenu actuel, ça risque de retomber très vite et du coup, ça risque de nuire au suivant parce que les gens ils vont se dire, bah, si c'est comme la fois précédente, ça va retomber comme un soufflé. Je vais y jouer 3 semaines et après, je vais lâcher l'affaire. Donc ils auraient tout à gagner à alimenter un petit peu celui-là quelques mois, histoire de lui donner suffisamment de chair voilà, avant de passer à la suite quoi. Et la suite, moi une suite à celui-ci ça me conviendrait très bien. Différentes époques, je sais pas si ça impliquerait de repartir dans des dynamiques différentes de personnages, de tout refaire. Je sais pas comment ils pourraient articuler les, ça. Les droïdes et les clones, ce serait assez ouf pour le solo. Rigolo pour la partie clone, droïde en tout cas. La partie clone, ça risque d'être un petit peu fade. Vous voyez, ils ont tous la même tronche, ils ont tous les mêmes casques. Encore que Clone Wars a réussi à faire un truc très bien avec ça, donc ça peut être cool finalement. Je dis de la merde. Au final, on veut pas le Bad Batch, nous on veut le Squadron. Le Fly Batch. Mais. Quelqu'un attend le Bad Batch, je sais pas. Non. Je pense pas. Pas nous, en tout cas. C'est Star Wars, donc oui, mais sinon. Oui, d'accord, mais j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup d'enthousiasme. J'ai trouvé étrange comme choix de série à faire. Ça va pas se faire, on sait pas encore. Si, ça va le faire. Si. Ils ont annoncé, c'est qu'ils ont déjà quasiment tout fini. Ouais, oui, c'est ça. C'est de l'animation, hein. Ça fait des années qu'ils bossent dessus. Hein. J'espère que du coup, ils vont, je sais pas, dans la série, trouver un bébé qui va leur rendre leur humanité. Et... Oh, ouais. N'empêche que si oui, enfin voilà, c'est comme Mando. Il y avait une bonne surprise. La surprise a été énorme. Peut-être que ce sera pareil. Hein. Ouais. Bref, on n'est pas là pour parler du Bad Batch, même si c'est. Le vaisseau est sympa. Ce que j'espère, c'est nous qui vont nourrir un petit peu le jeu avant de proposer une suite ou alors soit une suite avec les mêmes heures commencent avec plus de choses. Ça pourrait être cool avec la bataille de Jakku. Mais je suis un peu moins chaud pour les différentes époques. Ou alors, il faudrait faire un gros jeu. C'est un gros jeu avec tout dedans éventuellement. Voilà, peut-être plus comme ça. Mais ça reste, on va perdre le côté un peu d'histoire. Voilà, il faudrait une campagne par époque, ça pourrait être rigolo à ce moment-là, mais je sais pas trop. En tout cas, là dans l'immédiat, ce qui m'intéresse, moi, c'est un tout petit peu de contenu, histoire de pouvoir y jouer avec le même plaisir dans un an, deux ans, sans problème. Ah, mais ça serait bien qu'ils continuent à sortir comme ça des jeux qu'ils ont fait en 2-3 ans, qui ne soient pas forcément les plus ambitieux possibles, mais qui sont sympas pour au moins quelques semaines, quoi. C'est ça que je voulais dire. En plus, quand tu te permets de sortir un jeu neuf à 40 euros, moi, venir me proposer derrière des packs, on va dire, pour un total de 20 balles, ça me paraît pas déconnant. Non, mais ils le feront pas, je pense. Ils vont pas diviser leur communauté directe. Non, non, pas directement. Mais ce que je veux dire, c'est quand tu... Même à l'avenir, mettons, la suite est au même tarif, et que derrière, ah, il y a oui. un suivi avec une roadmap, comme ils font d'habitude et tout, si au total, le jeu, bah, il te revient à 70 ou 60 euros, éventuellement, c'est pas déconnant. C'est pas comme s'ils sortaient un jeu plein tarif, plein pot, 60 balles, et que derrière, on venait te proposer des DLC à 5, 6 euros à chaque fois. Punaise. Dans ce cas de figure, c'est moins déconnant pour moi de proposer du contenu supplémentaire payant, quoi. Vous vous rendez compte qu'en 1h35, on n'a même pas parlé du style graphique du jeu. Le style graphique est très visuel. Ouais. Il est très écranique. Il est très écranique et très Star Warsien, voilà. Mais non, parce que pareil, encore une fois, les gens, c'était déjà avant la sortie du jeu et toujours après. C'est les gens qui veulent du Star Wars gritty et tout, et qui voyaient des couleurs et qui disaient mais c'est trop coloré et tout. Et nous, pendant ce temps-là, Matt et moi, sur la map de Yavin, on est comme ça, genre oh, c'est joli, oh, les couleurs. Et perso, je suis très content que ce soit très coloré. Il faut plus de Star Wars coloré. Mais t'es branché sur les gars qui sont des rabat-joie ou quoi? Non, mais c'était sur rabat-joie.com. Twitter. T'as un produit qui s'appelle The Mandalorian, et encore c'est du coré, mais voilà, si tu veux des couleurs un peu plus fade, il y a ça, quoi. Et encore. Non, mais clairement, quand on parle par exemple des grandes nébuleuses colorées, des planètes, etc., c'est un truc classique des jeux, parce que sinon c'est du noir total, ouais, avec des points blancs et tu te fais chier, quoi. C'est aussi ça fait partie du game design visuel, on va dire, mais ça fait partie des trucs pour pas qu'on se fasse chier en jouant, quoi. À partir du moment où tu joues dans l'espace, bah, tu prends les élites et compagnie, t'as forcément plein de couleurs partout, mais parce qu'il faut quand même... C'est clairement ça. Il faut que tu t'arrêtes pour prendre un screenshot et te faire dégommer pendant un instant, tu vois, genre de choses. Et puis je rappellerai à ces gens que même dans Rogue Leader, le premier, tu avais une mission dans une nébuleuse, notamment, qui est totalement colorée, hein, comme ici, entre autres. Enfin, c'est pas nouveau, quoi. C'est une astuce de level design, éventuellement, même, presque, on pourrait dire. Enfin, il y a de ça aussi. C'est comme le fait d'avoir des astéroïdes ou des champs de débris, quoi. Si tu fais juste un espace vide... Ah, mais ça, c'est bien, d'ailleurs, ces missions-là. En mission ou en map, parce que en mission, en mission. Il a fait que le solo. Ouais, moi j'attends de finir le solo. Moi c'est l'abysse là. L'abysse, c'est vraiment super impressionnant. C'est très copié-collé sur solo. Voilà, t'as même le même plan, juste même avec plan. Des cailloux devant du Star Destroyer. Que je trouvais mieux fait dans solo d'ailleurs, pour le coup, mais un peu plus impressionnant. Station graphique. Ouais. Mais j'ai vraiment c'est pas pour moi rien que cette mission là elle valait le coup par rapport au solo. J'ai trouvé ce moment là super, le Star Hawk en action et tout, c'était vraiment super impressionnant. J'en suis pas là, moi, merci. Mais il y a le Star Hawk dans le jeu dès le début. On a pas dit qu'il mourrait, ça va, allez, arrête. Ouais, c'est vrai. Le Star Hawk qui meurt à la fin dans les bras de Hera, qui meurt aussi. Ça se trouve, ils meurent tous les deux. On est à l'air con à la fin. C'est vrai. C'est vrai, elle va mourir dessus. On va faire merde. Oh merde. Mais. Non, mais qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. J'avais un truc sérieux à dire à la place. Pardon, bonhomme. On était sérieux. Ah oui, un autre truc que moi je pouvais dire, c'est que je sais pas si vous vous souvenez quand je me moquais de notre cher Pierre par rapport au fait qu'il adore les Y-Wing. Et puis, si vous suivez un petit peu les streams, vous saurez que maintenant c'est mon préféré à piloter et tout. Et je tenais à publiquement m'excuser et à reconnaître la supériorité des Y-Wing. Il était temps. Hein. Et d'ailleurs, Pierre, oui. X-Wing, T-Wing ou E-Wing? Je sais pas, mais là, dans mode solo, tu changes tout le temps, donc j'ai pas encore. Non, mais si tu lui donnes pas le contexte, il va pas savoir. À quoi? Fais ça en off, s'il te plaît. On fera ça après, là, on finit l'émission. Voilà, c'est sérieux. tu sais très bien. Et est-ce que vous avez des dernières choses à dire, vous, par rapport au jeu, des petits trucs dont on n'a pas parlé? Est-ce que Tuki existe? Oui, j'existe. Je ne suis pas une hallucination. Bon, ça va, je suis rassuré personnellement. Ah oui, moi, j'ai pas dit. Si, j'ai dit ce que je voulais. J'aimerais bien qu'il fasse des suites à d'autres époques, même si je suis d'accord, Matt il m'a bien convaincu sur le fait d'avoir du contenu supplémentaire pour celui-là, pour pouvoir build une hype pour l'année prochaine, pour le deuxième jeu éventuel qu'il ferait. En tout cas, j'espère qu'il aura assez de ventes et de bons retours. Je sais que les retours presse sont super cool, je sais que les retours joueurs, surtout sur PC, sont beaucoup moins cool à cause des bugs, et c'est super triste, mais... Ça va changer, ça. On espère, mais c'est pas sûr. Il y a vraiment un truc que j'aime dans le jeu, c'est... je parle de la campagne solo, c'est que tu fais ta mission, et tout d'un coup, il y a un moment qui est vraiment un moment Star Wars, quoi, où t'es Luke, où tu fais un truc de fou, et ça passe, et tu fais « Waouh !» un truc de malade, ça peut être un astéroïde que t'as évité de justesse, ou alors tu dois casser un truc qui explose derrière toi, et toi, tu pars à toute vitesse... Je ne sais pas si vous avez vécu ça, mais il y a des moments où j'étais avec mes enfants, on était là, waouh, de malade. Ici, il y a vraiment des trucs, il y a des moments dans qui te mettent des bons trucs. Moi, c'est dans le, c'est la première fois que j'ai réussi à détruire un raider tout seul dans le multi là avec mon gros rayon de Y-Wing, le rayon gigantesque là. Et après j'ai dû partir parce que le truc explosait autour de moi. C'était la petite assez... mécanique de dérive là, le petit moment où on te fait faire le drift, petit dérapage là, c'est au-dessus du destroyer. Ouais, le petit drift au-dessus du destroyer, c'est rigolo. J'ai du mal à faire le drift. Oh, ah, j'ai eu au début, maintenant ça va mieux. Ouais, maintenant ça va, mais je l'ai fait 10 fois avant de comprendre le truc. Je fais bon, il est temps de comprendre là. Moi, j'ai toujours pas compris. J'ai réussi une fois pour le tuto et puis j'ai jamais réussi. Si tu fais pas ce qu'ils disent, une fois que j'ai essayé de trouver moi-même, j'ai trouvé vite, mais j'arrivais pas par rapport à leurs indications à eux. Ah. Tu fais à la manette, c'est ça? Ouais. Je te dirai pas comment faire. C'est gentil, merci. Et je pense que ça va être le mot de la fin. C'est le mot de l'émission même. Est-ce que tu as d'autres trucs à dire? Est-ce que tu as d'autres secrets que tu connais par rapport au jeu? Toi qui es tellement un insider de l'univers Star Wars. À part que vraiment les gars, avec qui ils étaient vraiment super contents d'avoir pu faire ce jeu, et ils étaient vraiment motivés et fans. Et c'est vraiment un jeu qui est parti du bas, parce que ça n'a pas été décidé par des études de marché, les mecs ils ont discuté pendant qu'ils faisaient Battlefront 2, ils ont dit si on faisait ça, ils ont proposé et c'est un projet qui a été accepté. C'est cool. Ça fait plaisir à voir. Ouais. Et puis, mais non, je te dis, j'ai demandé, je leur ai parlé, mais ils peuvent rien me dire officiellement tant que je demande pas à EA, c'est super long et puis tu sais, ils te vérifient les questions, donc moi ça me fout, je préfère attendre quelques mois que ce soit passé la hype là parce que. Ouais. Là, tu pas. On refera un épisode, les secrets du Squadron. Je suis en train de poser des questions à des gars qui ont travaillé sur les anciens films, mais là, eux, ils peuvent parler, ils racontent tous les trucs et tout. Alors que là, sur un nouveau machin comme ça, c'est comme Star Wars 9. Pour l'instant, ils disent pas quoi que. Moi, je vous le dirai après. Ouais, tu nous le diras en off, vas-y, j'ai trop envie. Ah, moi aussi. En tout cas, c'était comme d'habitude, vraiment super cool de t'avoir à bord. du Faucon Millénial, Pierre. On peut te retrouver dans ton nouveau nom sur Twitter, qui est... Twitter, c'est un réseau social. Je le savais. Hein. C'est, vous savez, je dis ça aux gens, mais c'est exactement comme ça quand on essaye d'organiser un truc avec lui en message privé. Tu lui poses une question, il va faire exprès de te troller, mais il va jamais te donner la vraie réponse. Il faut que tu devines par rapport à sa blague ce qu'il voulait dire. Et c'est insupportable, mais ça met de bonne humeur quand même. C'est at the space shipper avec deux P à la fin. Avec deux P par volonté populaire. Ouais. Oui, tu avais fait un vote et bizarrement. Les gars, ils ont fait non, deux P. Ok, bon, ok, d'accord, deux P. voilà, ça c'est ton nouveau nom. Tu as Space Ship Porn 2, je crois. Il est où ? C'est le même qu'avant, c'est Space Ship Porn tout court. Okay. Le 2, c'est juste dans le. D'accord. Le titre du compte pour rigoler quoi, mais là sur celui-là maintenant je poste que des soit des vaisseaux parce que je sais pas pourquoi il y a des gens ils aiment faire des images de vaisseaux et surtout des gars qui dessinent des vaisseaux originaux quoi, qui font sans tirer de licence etc. Il y a des trucs super sympas, il y a vraiment des univers à bâtir autour de créations originales, donc je partage surtout le travail des autres quoi. Ouais. Et c'est toujours super agréable pour les yeux de suivre ces deux petits comptes là qui montent malgré le silence des médias. ouais, on se retrouvera bientôt pour donc la deuxième partie Squadrons, tous les secrets de tournage. Ah non, ça c'est l'épisode 9. tous les secrets du développement. On compte sur toi. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter @fauconpod et sur Facebook Faucon Millénial. Je vous laisse dire au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. Si vous voulez venir jouer avec nous, par contre, venez sur le Discord. Oui, venez sur notre Discord. On va mettre un lien dans la description. Puis, comme ça, vous pourrez venir jouer avec nous. Et j'espère que tu viendras jouer avec nous aussi. Bah, dès que j'ai fini le solo, moi je viens. Super, bah, très bien. Allez, cool. Faites attention à vous sur la route spatiale. Que la force soit avec vous. Ciao. Gros bisous.